Donc, ça me semble être une bonne entrée en matière. Bon, bah écoute, quand tu le sens, on peut y aller. Vas-y. Clic. Clic. Ça va, toi? Ah, écoute, ma foi, fort bien, ah. Parce que c'est le dernier épisode avant le fest, ou comme nous aimons à l'appeler ici-bas dans cette chaufferie, l'épisode 24 de cette saison 3 de Road to Hellfest. Non, on n'enregistre pas en public, on sait juste très bien faire le bruit du public. Du public. Et donc oui, comme je venais de le dire, c'est le dernier avant le festival, car le Hellfest commence la semaine prochaine dans... C'est mardi, mercredi... Dans 9 jours. 9 jours aujourd'hui. Je sais pas, moi j'ai vu des comptes Hellfest sur Insta, c'était marqué 9, je crois. Hein. J'ai pas vu le 8 encore, donc je crois que c'est demain le 8. Et direct, tac, une bonne blague, j'adore. Okay, hey, bon, et hop. Bon, commençons par le commencement. Kling, klung. Tout à fait. Donc nous buvons une Brooklyn Naranjito, c'est une Orange Pale Ale qui à la première goutture a laissé Bob un peu perplexe. C'est mon côté perplexe. Il est très perplexe comme personnage. Bonjour Bob, perplexe. Du coup, Bob, as-tu passé une bonne semaine? Eh, hey, mais c'était sympa. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait de beau? Bah, je sais plus. Ok. Voilà. Bah, c'est bien déjà. Déjà. J'ai écouté de la musique déjà. Ah bah, mais... ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ouais. C'est un truc qui en plus c'est pratique parce que. Moi, je trouve que déjà à partir de là. Comme on fait un podcast un peu qui parle de musique, c'est plutôt. Ouais, c'est plutôt une bonne. C'est dans le bon sens. C'est raccord quoi. Voilà, c'est raccord, c'est cohérent. C'est l'esprit d'équipe. C'est ça, on est dans le cohérence. La cohérence. La cohérence, ouais. Ouais, je pense. C'est ça, ouais. Et toi, as-tu passé une bonne semaine, mon ami Jacques? Comme c'est gentil de demander. Eh bien, figure-toi que la semaine, ça a été, mais j'ai eu un week-end un peu chargé. Ouh là là, ouais. Parle-nous en plus. Ah bah, avec plaisir. Oh. Savais-tu que vendredi, il y avait tempête? Oui. Ouais. De... Deftones. Non. Non. Non. Non, c'est pas ça? Mais non. D'accord. Ah, vas-y. Non, une vraie tempête. Non. Ah, une tempête vraie. Une vraie, oui. De la nature, quoi. Voilà. D'accord. Ouais, et que j'ai été au papillon de nuit. Eh merde, mais quelle idée de con! J'ai voulu faire plaisir à, oui, c'est ça. À ma progéniture. Mm. Du coup, j'ai été voir Big Flo et Oli. Hey! Oh! Non. Hey! Non, tu t'es peux pas des arrêter. Gangsta. Non, tu fais des codes et des comme ça. Ça y est, on l'a perdu, mesdames et messieurs. Voilà, excusez-moi, je me suis un petit peu... Ouais, laissé complètement... Ah non, mais je... c'est la pluie, ça. Déjà, hein. Les papillons de nuit, mais alors Big Flo et Oli. Hey! Oh! Je suis pas un gangsta. Voilà. Oh, ouais, c'est bien d'aider la jeunesse. Hein. C'est des petits jeunes qui ont besoin de... qu'on les encourage. Ouais, enfin, si tu vas par là, pas que... C'est beaucoup de gens qui ont besoin qu'on les encourage. Ouais. C'est vrai. Non, et d'autres, non. Et oui. Et bah donc, c'était sous la boue et la pluie. C'est... Ouais, sympa. Moyen, hein, quand ouais. C'était pas un groupe que t'aimes, hein, tu en sais. En plus, ouais. Ouais. Mais bon, voilà. Et après, j'ai eu mariage, parce que Joe s'est marié. Alors, s'il reste des auditeurs de la première saison, des gens qui parlent, ou qui ont tout rattrapé, qui se sont dit, ah, mais je connais Joe. Joe s'est marié ce week-end, voilà. Il a une pensée pour vous, il m'a dit, hey, tu leur diras tous bonjour. Je pense que comme quoi, on est en train de les perdre un par un, chez Road to Hellfest. Ouais, qui c'est le prochain? Moi, j'ai dit que non. Ouais, enfin, Big Flo et Oli, quand même. Mais... Je vais certainement être le seul survivant. Bah, t'es pas dans la maison. T'es pas dans la merde pour juste à la quatrième saison. Hein. Comment ça marche? Ouais. Alors, c'est pour ça, le mec le malin, c'est pas le plus charismatique ou le plus fort, c'est le mec qui se connaît la technique. C'est lui le meilleur. Ouais. Parce que lui, c'est il se barre. Tout le monde dans la merde. Exactement. Qui c'est qui a les codes pour uploader les épisodes? C'est moi. Ou alors je m'érode avec un S. Personne ne verra rien. Voilà, c'est ça. Où est l'Est? Attends, si, j'ai une bonne petite anecdote assez sympa. Il y a un nouveau service, un catalogue de podcasts qui est sorti, qui s'appelle Magellan. Et en fait, il récupère tous les podcasts et il les poste comme ça sur sa page. Jusque-là, il n'y a pas forcément de problème, ils le font tous. Ouais. Sauf que lui, il a aussi un compte qui est payant. Et il se sert des, grandes, des grands podcasts gratuits, même RTL, tous ceux qu'il peut récupérer comme vitrine et comme, on va dire, épisode d'accès. Comme ça, les gens ils viennent, ah, c'est sympa. Et après, ils vont prendre l'offre payante pour tout avoir ou ceci, cela. D'accord. Et donc, il y avait tout un truc sur Twitter où les gens s'enflammaient. Il y a même des Google Docs qui ont été créés avec tous les gens qui sont cités comme avec leur podcast qui est utilisé sur leur autorisation. Et ceux qui n'étaient pas, pas d'accord pour être publiés ont commencé à attaquer sur le Twitter en disant « Quand est-ce que vous allez retirer nos épisodes ?» et tout ça, et tout ça. Et moi, j'étais déjà en mode « Ouais, ils ont raison, c'est la guerre, j'y vais !» Donc j'ai téléchargé l'application, j'ai créé un compte. Il n'y a pas de Rod 12 Fest dessus. Donc... Super. Bah tant mieux en même temps. Oui, tant mieux. Enfin, ça veut... Non, mais ça t'aurait fait perdre du temps. Ouais. Ben, ça veut dire qu'on est... Ouais. Ok. On s'en fout. Du coup, en parlant de ça et de renommée, nous avons quand même la chance, le week-end dernier, d'avoir un poste qui a eu pas mal de succès. Peux-tu nous en dire un peu plus, Bob ? Sur le poste du week-end dernier qui a eu un peu plus de succès ? Oui. Oui, donc par rapport au pass Knotfest que j'ai mis à gagner. Exact. Voilà. Ah, attends, petit aparté, on a des bonbons. Oui, alors c'est pas pour partager avec vous, hein. C'est pour vous dire qu'il y aura des bruits. De toute façon, c'est clair que vous en aurez pas. Des bruits désagréables. Des bruits de bons mecs. Voilà, donc vas-y, excuse-moi. Donc, le pass. Bah voilà. Alors oui, donc, voilà. Je ne sais plus quand je l'ai mis. Vendredi, je crois, soir. Mmh. J'ai dû mettre vendredi soir. Mmh. Ouais, bon, après, voilà, c'est comme tu disais tout à l'heure, en rigolant si bien, en descendant à la chaufferie, c'est le poste qui a eu le plus de succès durant... Les trois saisons. Ah, peut-être avec ce que je te disais aussi, oui. L'interview de Nico de Tagada. Oui, on a eu moins de commentaires. Oui, on a eu moins de commentaires, forcément. Hein. Là, on ne demandait pas aux gens de commenter. Donc, c'est vrai. Voilà. Donc, est-ce que tu peux quand même donner les résultats ? Parce que moi, j'ai participé et j'ai perdu. Voilà. Je vais aussi donner le pourquoi, du comment, des réponses. Exactement. Voilà. Tout ceci avait un sens. Plus ou moins. Dans mon esprit un peu tordu, ouais, il y avait un sens. C'est intéressant. Alors, le gagnant. Je recherche son nom. Déjà, il y a eu un gagnant qui ne pouvait pas venir, d'après ce que j'ai cru voir. Ouais, alors, qui était Tigoli Poi Poi. Tigoli Poi Poi. Très bien. Voilà. Qui, qui avait les bonnes réponses, et donc tu as fait un second tirage au sort. Voilà. Jute était obligé. C'est comme ça qu'on fait. Exactement. Je suis en train de chercher. Je suis désolé. Hein. Je suis en train de chercher les. Non, tant pis, on a le temps. Donc, le gagnant est Julien Tual. Julien Tual, très bien. Félicitations à toi, Juju. Voilà, si tu nous écoutes, parce que... Là. Si tu t'es mis à nous écouter. Si tu t'es mis à nous écouter. Ce que j'étais en train de chercher, la formule la plus... La moins... Ouais, il n'y en a pas, en fait. Il n'y en a pas. Si tu t'es mis à écouter. Donc voilà, si tu t'es mis à écouter. Tu serais sympa de ta part. Ce n'est pas complètement, quand même. Voilà. Hein. Pour les réponses, il y avait... Il tape sur la table. Il tape sur les bancs. Non, la table. Sur la table. Ouais. Alors, les réponses. C'est le dernier, on s'en fout. Je vais aller chercher mes baguettes. Oh. Les réponses. Donc, il y avait bleu ou vert. Donc, le bleu. Ah, voilà, je l'avais, ça. Petite blague récurrente sur la prédominance dans tes photos. Merci. Je l'avais, ça. Bah, j'avais mis bleu. Voilà. La deuxième, c'était gauche ou droite. Ouais. Donc, bah, c'est pareil, c'était dans le podcast aussi, on en parle souvent, c'est dans la fosse, à gauche. Putain, j'ai mis gauche. Hein. Moi, j'ai mis gauche parce que j'étais gaucher. Ouais, c'est ça. Et la dernière, c'était... Putain, tout avait un sens. Bah oui, mais il faut écouter le podcast. Je sais pas, moi. Et la dernière, c'était quoi ? C'était 1 ou 2, non ? Non, c'était 10 ou 12, et en fait, c'était 12 était le nombre total de participation à nous deux au Hellfest. Wouah ! Écoute. Voilà. Et après, il y avait Jacques et Bob. Bah, ça, c'était le petit bonus, en fait. Donc, si tu te trompais sur une réponse, et si tu répondais Bob, c'était un bonus et tu avais bon. Ah, donc, t'as eu à avoir pas mal de bonnes réponses. J'avais 12 bonnes réponses. Ah ouais. Et voilà. Fallait répondre Bob pour avoir le bonus. Ouais. Dégueulasse. Bah, parce que c'est moi. Mais tu notes quand même à quel point Jack... beaucoup de gens ont voté Jack, mais pas pour moi. Non, pour Jack Daniel, ça, ouais. Ouais. Ce qui est drôle, ce qui est drôle. Ouais. Mais bon. Non, bah après, voilà. Donc, bah voilà. Donc, tu retrouveras Julien jeudi pour lui offrir son lot. Pour lui remettre son pass, qui, lui, est apparemment pas loin du camping. Ouais, et le DVD aussi. Et le DVD, voilà. D'un grand film, Ah, grand film. Ne spoil pas. Je ne spoil rien du tout. Ne spoil pas. Donc, faut que je pense à taguer Julien demain. Donc, pour... Écoutez, c'est le bruit du blister. Il est sous blister, je le vois. Regardez, je le vois. Voilà. Il est, voilà. Ah, je suis un peu jaloux. Bah, j'imagine. Fais voir, attends, je me demande si je l'ai vu d'ailleurs. Moi, je l'ai pas vu, hein, c'est sûr. Ah, je sais pas. Je suis dégoûté d'ailleurs parce que. Quelque part. Ouais. Bon, je sais que je le verrai de toute façon. C'est un grand film, donc y a pas. Hop, hé. En plus, franchement. Non, spoil pas. Ah non, je spoil pas, mais. Bah, tu dis franchement. Ah, bah, j'ai pas fait exprès. Très bien. Voilà, donc c'était pour la. Voilà. La partie cadeau. C'est ça. Est-ce que tu as autre chose à nous raconter de beau ou Bah, je pourrais te raconter ce que je te disais tout à l'heure. Oui, c'est pour ça que je dis ça. J'ai fait la connaissance, vite fait en fait, tu sais, comme ça se fait souvent sur Instagram. Les mecs qui vont te dire « tu nous suis, machin, merci de nous suivre, tu peux aller écouter notre album, machin ». Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont fait ça ? Il y a des gens qui font ça, ouais. Et là, moi, j'ai eu un post... Un petit gars qui m'a... Non mais attends. C'est moi qui gère l'Instagram. Mais non, pas sur le mien, de perso. Ah. Pas sur celui de Road to Hellfest. Sur le mien de perso. Et ils ont été comme ça, par hasard ? Ben, je ne sais pas, j'ai dû écouter un peu, j'ai liké, parce que je trouve ça sympa. Et ouais. Du coup, les mecs m'ont simplement remercié en me disant, tu peux aller écouter notre album sur Spotify. Donc voilà. Et donc, tu as été ? J'y suis été. Mmh. Voilà, donc ce groupe c'est Redshift. D'accord. Redshift. Merci. Donc qui est un groupe parisien. Donc aux origines du groupe, il y a Clément et Thibaut, deux compères qui se rencontrent en BTS audiovisuel et partagent une même passion pour le rock'n'roll, fans de groupes comme Aerosmith, les Guns ou encore Led Zepp. Et bien sûr, ils décident de monter un groupe et pour ça auditionnent des icos à partir d'annonces internet. Moi j'ai pas vu. Hein. Après, sur Paris, peut-être c'est moins évident du coup. Ouais, enfin, je trouve ça un petit peu nul quoi, parce que moi je serais venu. Ah bah écoute, si je auditionne. J'ai une guitare, je peux accord de la mineur, ouais. Ré, mi mineur, je peux le faire. Écoute, on en reparle. Bah attends, on voit ça avec eux. Aerosmith, les Guns, tout ça, ça joue en mineur, moi je peux gérer. Hein. Ouais. Je peux même faire une penta en la mineur s'il faut. Ah bah écoute, tu leur diras. Puis, Bah non, mais ça me rend fou ça. Non, mais vas-y, continue. Bah, demande-leur, c'est pas grave. Non, bah, et donc voilà. Il souhaite bien sûr que le groupe soit avant tout une bande de potes. Bah oui, ça commence comme ça, puis la drogue, les filles. Voilà. Redshift démarre vraiment en 2016 avec l'arrivée de Tim à la batterie qui restera jusqu'au début 2019. Ce qu'il y a eu après des trucs à faire. Certainement. Donc aujourd'hui remplacé par Vinicius, un Brésilien d'origine brésilienne. Tiens donc. Ouais. Lui aussi rencontré via une annonce internet. Leur premier album sort en 2018. Mais putain, mais même la batterie, je peux jouer un peu s'il faut. Je peux dépanner. Ouais. Je peux pas faire toute une chanson entière, mais je peux faire un couplet ou un refrain. Ouais. Poum-chak, poum-chak, poum-chak. Bah carrément. J'ai comme... J'ai pris des cours avec Cri-Cri dans Hélène et les garçons. C'est ça qui m'a tout de suite donné envie de jouer de la batterie. De te mettre derrière les futs. Ouais, carrément. C'était sympa. Et donc, t'as été écouté ? Ouais, j'ai été écouté et c'est vraiment sympa. Ah ouais ? Ouais, une bonne énergie. Donc, tu recommandes ? Je recommande. Très bien. Donc, la pochette d'album, si vous voulez capter, c'est deux rhinocéros. Un de gauche nature et de droite industriel, très, très métal. D'accord. Et eh ben écoute, voilà. Que je te propose, c'est de... Ils ont un clip, quelque chose ? Je crois. Ouais, apparemment, ils font une promo d'un clip. Donc, j'ai été chercher, j'ai pas trouvé. Ah merde. Après, s'ils peuvent me balancer le lien. D'accord. Voilà, ça N'hésitez pourrait être pas. Sympa. Ouais, parce qu'on fera... Et ils tourneront sur... après la promo du clip. D'accord. Voilà. Ils tourneront... Sur eux-mêmes. D'accord. Voilà, ah bah c'est pas mal. Ouais, bah après, je pense que c'est bien. Voilà. Et ils nous invitent à leur concert ? Bah j'espère. Après tout ça. Bah écoute, j'espère aussi. Très bien. Donc, eh bien, voilà. Merci pour moi, je vous conseille Redshift, donc. Redshift. Redshift. Très bien. Voilà. Merci, c'est noté. Vous avez tous entendu. Ok, c'était la dernière. Allez, on se retrouve après le Hellfest. Salut. Bisous. Salut. Wouh. On vous aime, sabots de bois, de serre. Tiens, on a eu un commentaire. Ah bon ? Ouais, t'as pas vu. Y a... Putain, non, j'ai pas. Bah, j'ai trouvé ça super sympa. Sabots de bois, de serre. Alors, je ne sais plus qui. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je vois pas tous ces trucs-là, moi ? C'est parce que tu es. Parce que je suis. Pas des gangsters. C'est ça. Ouais, c'est peut-être pour ça, justement. Ouais, c'est les gens l'ont ça. Vu que j'écoutais pas du métal. Je me suis fait démasquer. Tu t'es fait griller, mec. Et merde. Je cherche. Hein. Ah d'accord. Mub. Ok. Mub. Alors, sinon, dans les sorties de la semaine, il n'y avait pas grand-chose. À part le nouvel album de Caveheen, donc un groupe que j'ai chroniqué, avec Final Transmission. Donc, de mémoire, si je dis pas trop de la merde, Caveheen, c'est un groupe qui a commencé dans un style et qui s'est un peu répertorié dans un autre style, où j'ai pas du tout dit ça. Attendez, bougez pas. Je cherche. Ah merde, je mets un truc là, ça fait du bruit. Faites pas genre, hein, faites pas genre, eh, ouais, on est entre nous. Hein. Oui. Alors, non, c'est pas ça, non. Oh, c'était là, ça, tu vois, c'est rigolo. Ah bon. Sébastien Manceau, merci à toi. Le petit message qui fait plaisir. Parce que bah, si, lui, il écoute. Ah bon? Ouais. Parce qu'il a mis, donc, 1, vomi, 2, rond-point à la guitare, 3, 10, 12... 4, Daniel l'éponge. 5, je veux pas gagner car j'arriverai trop tard. Et il y a Amarante. Oh le salaud. Mais comme vous faites un jeu concours, eh bien je veux bien faire l'effort de répondre. Continuez les gars, vous égayez les jeudis matins au boulot. Sabot de bois de serre. Oh putain, respect. Voilà, donc merci à toi Sébastien. Oh bah Sébastien, hé, on te paiera une bière. Non, mais non. Bah, il nous paiera une bière. Bah, pourquoi? C'est le truc, justement, de dire. Ah ouais, man, ça fait beaucoup, quand même. Bah, ça revient au même. Ah, hein. Oh, bah, Sébastien, c'est avec plaisir que Bob nous paiera une bière à toi et moi. Eh bah oui, c'est avec plaisir. Ah, il est sympa, ce Bob. Ouais, mais bien sûr. Eh bah oui, mais il faut le remercier, Sébastien. Il faut l'appeler. Ouais, on va l'appeler. En direct. On a son numéro. Alors. Musique qui fait peur. Ah non, c'est pas ça. Du coup, putain, on va jamais démarrer cette émission. Ça m'angoisse au plus haut. Bref, ça sera plus long que toutes les autres, c'est pas grave. On peut faire 4 heures là, moi je tiens, il y a pas de souci. 2 heures du mat, ça me fait pas peur. Ouais, bah attends, je suis pas sûr que les gens écoutent tout en entier alors 4 heures. Bref, donc nouvel album de Caveheen, je l'ai pas écouté parce que de toute manière, j'ai rien foutu cette semaine, d'accord? Donc vous allez faire avec. Voilà. Mais je vais l'écouter avant la saison 4 au moins. Ouais. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Non. On peut attaquer? Ouais. Très bien, je te demande pas si t'as écouté Caveheen. C'est quoi? C'est un groupe que j'ai chroniqué. Ah, super. Mais je m'en souviens plus. Enfin, ah si, bah, voilà. Mais bien sûr que si, tu je m'en souviens. Pour mieux, toi. Mais je m'en souviens complètement, mais c'est parce que t'es bien, j'aime bien faire mon intéressant, tout ça. Ouais, c'est ça. Parce que je me dis, oui, des fois. Si jamais ça se voit que j'essaye de gagner du temps, n'hésitez pas à me le faire remarquer. Ça va être chaud, c'est pas en direct. À la rigueur, je peux parler au nom du peuple. Au nom du peuple, tu veux dire quoi? Bah oui, ça se voit que t'essayes de gagner du temps. Non, je pense pas, tu crois? Ouais, si, un petit peu quand même. Ça remonte déjà aussi longtemps, ça. Tiens, je vais prendre un petit réglisse. Ah bah, je t'en prie. Ah bah, ils sont là pour ça. Ça fait plaisir. Ah, Léon, du bruit, c'est sympa. Bon alors, on va attaquer... Putain, c'est quoi cette émission? Bon, alors, on va passer aux news. Ok? C'est parti. C'est la rubrique news. Je l'ai bien fait souffler dans le micro. Oui, vas-y, commence. Richie Kotzen. Ouais. Tu te souviens? Oui. C'est le mec qui joue plutôt bien de la gratte. Et que je ne savais pas trop quoi écouter. C'est vrai. Parce que bon, le mec joue avec plein de gens et souvent tout seul aussi. Mm. Bah figure-toi que d'habitude on écrit des chansons et on sort un album. Bah là, il écrit une chanson, la sort et verra si ça fera un album ou pas. Et donc là, c'est la nouvelle chanson, Venom, qu'il vient de sortir. Peut-être que nous pourrons la voir au Hellfest, ou l'écouter, ou l'entendre, ou rien du tout. Semaine prochaine. Parce que c'est la semaine prochaine. Parce que c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, le Hellfest. Ouais. Bah, ouais, bravo. Oui. Non, mais si, tu peux appeler. D'accord. Ah, donc, tu l'as écouté, cette chanson? Carrément. Et donc? Bah, ouais, bah, c'est Richie Kotzen, quoi. C'est le mec, tu sais, il doit avoir à peu près 45 doigts à chaque main. Ben non, ça doit pas être pratique, ça. Bah pas vraiment, non. Au niveau des gants. Pour se rouler des clopes, par contre, c'est vachement bien. Ah, mais pour les gants... C'est sa grand-mère qui lui tricote. Des moves, peut-être. Ou des... Ouais, peut-être, je sais pas. Est-ce que cette chanson t'a donné envie de plus de le voir? D'accord, moi, c'est réglé. Moi, je l'ai mis tout à l'heure, vite fait, pendant qu'on préparait. Ouais. Oui. Oui. Non. Pas non. Bah oui, enfin, pas oui, oui, pas non. Bah ça fait, en fait, ça fait partie, je trouve, de... Bah, ils sont en main stage, bah, là, ça joue bien. Oui, voilà, c'est ça. C'est ni plus ni moins, ouais. Mais au contraire. Mm. Mais je pense que ça devrait plaire à Red... Redshift. Oui. Tout à fait. Je pense. Sans trop... Ça, ouais, ça m'a fait penser un peu à Last Temptation, justement. Oh, c'est un peu plus couillu, Last Temptation. Ouais, bah Redshift aussi. C'est pas d'accord, oui, d'accord. Tu parlais de ça, je croyais que tu parlais de Richie Kotzen. Non, Richie Kotzen, oui, c'est un peu moins couillu. Ouais. Oui, voilà, on est d'accord. Très bien. Bon, très bien, bah merci pour cette news. Bah écoute, ça me fait plaisir. Non, mais c'est très gentil. Eh ben écoute, autant pour une autre fois. Ah bah. Et puis, écoute, bah merci à toi. C'était un grand honneur. On se serre la main. Bien sûr. Ouais, écoute. Merci. Ça faisait longtemps. J'ai serré la main de Bob. Ouais, ouais. Et moi de Jack. Hein. Ouais, je me laverais plus la. Tu quand même. Si, tu peux. News suivante. Bah vas-y, fais donc toi plaisir. Bob. Oui, c'est moi. Tu connais ma passion pour les jeux vidéo? Plus ou moins, ouais. La compète, les sports. Ah, ça, la compète, ouais. Eh bah, ben, figure-toi que Matt Heafy, chanteur leader de Trivium, partage cette passion et stream même ses parties sur la plateforme Twitch. Carrément. Du coup, il a mêlé deux de ses nombreuses passions, à savoir la musique et le jeu vidéo, car en plus de sa participation à la DreamHack sur le jeu Fortnite, il a carrément pu faire jouer son groupe Trivium dans cette convention, un moment fort sympathique et assez original, pour le dire. C'est original. En gros, c'est une convention donc, de e-sport où il y a des tournois de plein de jeux vidéo différents, que ce soit Street Fighter, Overwatch, Fortnite et compagnie. Et donc lui, comme c'est un joueur qui en plus stream beaucoup ses parties, même avant les concerts, il est toujours en train de streamer. Et même ses concerts, en général, il place sa cam à un endroit sur le côté de la scène, il stream le concert comme ça. Donc tu peux voir beaucoup des concerts de Trivium. Là, c'est un vrai beau concert bien filmé. Et j'ai bien aimé, parce que j'ai été le regarder de ça, et c'était très marrant, parce qu'à un moment donné, donc il fait leur concert normal, et à un moment donné, il dit, c'est qui vient regarder un concert de métal pour la première fois? Il y en avait, je sais pas combien qui levaient la main. Des gens, parce que c'est des gamers, quoi. C'est un peu voilà. Des geeks gamers, donc ils sont pas tous fans de métal. Mais bref, c'est très sympa d'avoir mêlé les deux choses, sauf que ça permet... il a peut-être trouvé le moyen de conquérir un nouveau public, et c'est plutôt stylé. Voilà. Carrément. Voilà, c'était ma news. Non, mais c'est bien, bravo. Tu n'as pas été voir, toi? Non, j'ai pas été voir. Manque de temps. C'est ça les problèmes des week-ends de trop longs jours. Bah oui, c'est les week-ends de 3 jours, moi j'ai pas le temps. Bah je me doute. Ça n'arrête pas. Je comprends. News suivante. Ah merci, c'est gentil. La saison fut longue, Jack. Je sais. Mais longue, genre longue. Comme le sais, je mon le bras. Sais. Parce que j'ai un bras qui... Oui. Oui, ça va. C'est... Bah oui, quand même, regarde. Je me défends bien. Ah, oh, dis donc. Ah oui. Ah bah. Les gens qui écoutent le savent. Je peux pas dire ce que t'as parfois, fait. Parfois, on oublie. Corps. Il a atteint le point Goldwyn. Voilà. Parfois, on oublie certains groupes dont nous avons parlé. C'est vrai. Et ça, c'est pas faux, parce que on oublie. Ah bah oui. Te souviens-tu que j'ai chroniqué Clutch? Non. Un petit groupe. Je sais que cela a pu t'échapper. Ouais. Hein, sur tous les groupes dont j'ai si bien parlé. Mmh. Oh bah oui, ça m'a échappé, oui. Le fait que j'ai si bien parlé de certains groupes. Oh, non, enfin oui. Non, bah dis-donc, vas-y, continue. Ouais, tu vois. Eh bien, figure-toi que le groupe vient de sortir une reprise de Willie Dixon. Sympa. Ouais. Avec le titre Heavil. Heavil. Un premier extrait qui devrait accompagner la sortie cet été de Widowmaker. Mais dis-moi, étais-tu au courant de cette sortie? Non, j'avais même pas vu ça. D'après moi, ce que j'ai vu dans ma boule de cristal, ce serait y aurait des nouveaux morceaux dessus inédits. D'accord. Ce qui est surprenant. Cool. Alors que bon, on aurait pu croire que c'était des phases B ou des trucs, mais apparemment, ça serait des. Après, c'est peut-être des reprises inédites ou des trucs comme ça, je sais pas. Peut-être. Et donc, tu as écouté cette reprise? Non, je le ferai incessamment sous peu. Ouais, oui, j'entends bien. Bah oui. D'accord. Eh ben, merci. C'est parce que c'est quand même un groupe que t'aimes bien normalement. Ouais, j'aime bien. Un peu le groupe de ta vie. Faisons une question. Faisons un jeu. Ah, j'adore les jeux. Quel est plus ton groupe de la vie? Plus Clutch ou Lamb of God? Pour ma part? Bah oui, c'est à toi que je pose la question. Je dirais Clutch. Bah t'as de la chance que Lamb of God nous écoute pas. Hein. Ah ouais? Bah ça, c'est la flûte alors. T'as de la chance que Clutch aussi nous écoute pas. Hein. Ouais. Bon bah très bien, merci pour cette réponse qui était... Oui, je veux dire, Widowmaker, c'est leur boîte de prod qu'ils ont créée. Ils ont créé une boîte de prod qu'ils ont appelée Widowmaker. D'accord. Voilà. Et tu vas sur Widowmaker et t'as tout le merch, t'as tout le... Ah ouais? T'as déjà commandé des trucs? Ouais, j'ai commandé un t-shirt. Ah, le fameux t-shirt que tu mets en festival? Ouais, et que en festival. Et que les gens... Mais non, mais parce que sinon, je mets des t-shirts... Adidas, Nike, Reebok. Decathlon. C'est pas Decathlon. Quoi? C'est Amios. C'est quoi la marque? Domios. C'est pas Quechua. Pas Quechua, bah non. Ils font pas des t-shirts Quechua. Bah c'est des t-shirts en deux secondes. C'est... ouais, chlac. Pas con ça, concept à lancer. On y repensera. On va travailler. Hey, Road to Hellfest, les t-shirts en deux secondes. Alors on ira aller voir, il y a un stand au Hellfest. On leur dira, on leur balance le projet. On a pensé à un truc. On a pensé à un truc, le t-shirt deux secondes. Tiens, d'ailleurs, on parlera t-shirt tout à l'heure dans la rubrique des news oula, du Fest. Oula. Et commence pas à monter sur tes grands chevaux, j'y peux rien, moi, d'accord? C'est pas de ma faute, j'ai pas le temps. Ok? Ça y est, je pense qu'il va y avoir embrouille, bagarre, tout ça. On va se séparer sur le dernier épisode, quoi. C'est ça que tu cherches. C'est le dernier épisode avant le Fest ou le dernier épisode après le Fest? Bah, avant, du coup. C'est intelligent. Bah, on va pas se fâcher maintenant. On va garder toute la rancœur pour après. D'accord. Bah, on fait ça après. News suivante. Ok. Comme annoncé sur notre page et ailleurs, bien sûr, nous avons pu avoir un premier aperçu de Slipknot Live en 2019 avec la diffusion en direct sur YouTube en streaming de leur concert au Rock Am Ring 2019. Donc, c'était dimanche soir, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Vers 23h30, je crois. Donc, as-tu rejeté un œil, toi? Non, je me suis endormi comme une vieille merde. Putain, et pourtant, je te l'avais dit une heure avant ou un truc comme ça. Mais... Non, mais je l'avais même vu sur les réseaux sociaux. Et t'as... Non, quel... bon, je me suis endormi comme une merde. Alors, moi, je l'ai regardé. Déjà parce que, comme je l'avais déjà dit dans un épisode, j'avais peur que le clown soit absent à cause de la tragédie qui lui est arrivée. À cause de sa fille. C'est sympa, bravo. Je voulais pas revenir dessus, mais bon. Voilà. Tu vois, ça mettrait quelqu'un mal à l'aise, quelqu'un qui a de la gêne et tout ça. Mais c'est pas mon genre. Donc, oui, à cause du décès de sa fille, je pensais que peut-être il prendrait quelques jours de plus, mais apparemment une quinzaine. Ça suffit. Bah, non, je dirais pas que ça suffit, mais en tout cas, il était présent. Et c'était plutôt cool. Je l'ai senti... Alors, c'est très con ce que je dis, parce que je l'ai senti un peu pas comme d'habitude, mais ouais, je sais... Moins présent. Non, mais oui, mais comme je le sais, je me suis peut-être juste monté des films. Oui, quoi. C'est ça. Par contre, à la fin d'un concert, il a fait venir sur scène ses deux autres enfants à côté de lui et je les sentais. Autant le grand-fils, je le sentais dans l'énergie et tout ça, autant la plus jeune, elle avait l'air d'être encore dans le mal un peu quand même. Ouais. Et c'est l'une des premières fois où j'ai vu ça d'ailleurs. Enfin, moi, je suis peut-être déjà arrivé d'autres fois. Ils sont pas tous venus saluer, quoi. Il y en a deux, trois membres qui sont venus. Lui, on faisait partie. Ouais. Au niveau de la playlist, ils ont joué, en fait, sur vraiment des morceaux de tous les albums. Donc, c'était plutôt pas mal, avec pas mal de morceaux anciens. Donc, bon, bien sûr, les deux nouveautés qu'on connaît. Ouais. Sinon, au niveau scénique et tout ça, j'ai trouvé ça bien, correct. J'ai plus hâte de les voir que de me fier à ce que j'ai ressenti, parce que c'était bien, mais ça reste à travers un écran. C'est pas la même chose, c'est pas la même chose, ça peut dépendre de la réalisation sur le moment, voilà, donc... Bref, c'était bien. Le nouveau percussionniste qui remplace Chris a l'air d'être assez bon dans le style, il a l'air d'être assez efficace, et pour le reste, bah, ça marche toujours aussi bien, c'est du bon Slipknot 2019, ouais, j'ai vivement la semaine prochaine qu'on puisse les voir jouer pour de vrai. Voilà. Ok. C'était tout pour moi. Merci à toi. Quand je peux rendre service. Hein. Non, mais ça fait plaisir. News suivante. Bon, ok, tu te souviens de Clutch? Oui. Mais Black Rain. Bah, je les ai vus. Tu t'en souviens? Bah oui, je les ai vus au download. Parce que moi. Oui, un souvenir ému d'ailleurs. Ah, tu vois? Est-ce que le temps passe? Ah, est-ce que le temps passe? Quoi? Non, mais je. Quoi? Bref, tu savais que le groupe sortait son nouvel album le 13 septembre, ou tu le savais pas? Oui, je sais, c'est moi qui ai rédigé la news. Ah, d'accord. Eh bien, en plus d'un nouveau titre à découvrir, intitulé Dying Breed. Je fais un bruit dégueulasse, c'est parce qu'il m'a pris. Oui, pas le premier, pas le dernier. Un petit communiqué est sorti, et je vais te le lire de... Ah, tu t'es fait censurer. C'est pas vraiment là qu'il faut censurer, parce que je vais te le lire. Ah, bah vas-y. Bien. Composé et enregistré en Suède, le pays d'adoption du chanteur et guitariste Swan, ce nouvel album intitulé Dying Breed est une sorte de réaction face aux tournures que musique prend actuellement. D'accord ? Tout à fait. Écœuré par les sons électro et R&B, qui n'est pas une chaîne d'hôtel, une application pour trouver, qui nous envahissent, frappés par le décès de leur idole, qui ont marqué l'histoire du rock, harcelés par des types qui leur demandent pourquoi ils continuent d'avoir les cheveux longs, les quatre mecs de Black Rain se sentaient de plus en plus comme une sorte d'espèce en voie de disparition. T'es en train de nous dire une histoire pour nous endormir ? Ouais, carrément. C'est gentil. Ah, c'est le... Je pensais à... Je dois lire comment... Franklin, et du coup... Ah bah oui, c'est ça. Ça me fait un peu penser à ça. C'est complètement ça. The last of their kind, pardon. Comme il se proclame sur la chanson titre de ce disque, que vous pourrez découvrir le 6 juin prochain, quelques jours avant que le groupe foule enfin les planches de la main stage du Hellfest. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, tu as écouté ce titre ? Ah ouais, ouais, mais j'adore Black Rain. Ouais, je l'ai mis tout à l'heure. Ouais. C'était bien, hein ? Non. Ah, c'était pas bien ? Bah, j'ai pas trouvé, mais... Ah, merde. Donc, t'as le droit d'aimer, hein ? Moi, je te juge pas. Hein. Ouais, c'est ça. C'est quoi ? Quoi, je te juge pas ou t'as le droit d'aimer ? Bah, les deux, en fait. Ah, bah, tu vois. Non, j'ai pas le droit d'aimer, en fait. Hein. Ah, j'ai pas... Bah, c'est pas possible. Ah. Bah, si. Ah bon ? Non, mais en vrai, on en revient toujours à la même chose, mais pour Black Rain, c'est mieux en live. Je suis pute. Voilà. C'est... Alors que le doute avec Amarante est toujours permis. Ah oui, alors là, par contre, tu totalement. Vois, tu vois, on peut... Totalement. Non, je pense qu'à mon avis, c'est de la merde aussi en live. Alors, on va passer aux news Hellfest. Ça, c'est... Ah, mais je suis opinion. Entièrement d'accord avec toi, mais c'est, je sais pas, c'était tellement sorti comme ça que ça m'a, ça m'a surpris. Ouais. News Hellfest. Je le tiens, hein. J'ai hésité à les enregistrer, tu sais, pour les balancer. Ouais, bah oui, ça serait plus simple. Ah, d'accord. Avec quand même une petite touche. Oh là là, mais ça va être compliqué. Ah, mais la technique, ça consiste à appuyer sur enregistrement et arrêter. Ouais, c'est ça. J'en suis pas non plus à des petits... C'est déjà pas mal. Non, non, non, t'es fou. Ouais. D'ailleurs, je parle, je m'entends et je vois que je suis toujours enrhumé. Ouais. C'est rigolo. Alors, qui commence ? Ok, j'y vais. Alors... Nous n'en avons pas parlé, mais cette année est interdit sur le site même, donc une fois passé la cathédrale, des choses qui étaient tolérées l'année dernière, mais qui étaient intolérables, selon moi. Ça, c'est ben vrai. Alors, interdit les poufs gonflables, ça encore, ça va, ça me gênait pas trop, parce que sur le principe, j'en aurais bien acheté un. Ça prend pas de place, ça tient dans une poche. Ouais, ben bah ouais, non, tu mais prends c'est une fois qu'il est gonflé. Oui, mais après, tu peux... Hey, tu peux chiller, comme ah disent. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord, mais c'est vrai que quand t'en as un qui est posé là... Et que tu es obligé de le contourner. Alors, ou ceux qui font d'accord. Des rondes non, mais... pour si... faire les copains, okay, genre ils alors... s'installent un salon avec une table et puis de l'encens avec un cendard. Et... tu vois, ils commencent à emmener leurs enceintes et tout. Non, c'est plus possible. Ça s'est jamais passé, mais je veux dire. Mais c'est parce que c'est l'hypothétique. C'est complètement. Ah, c'est pour et ça. Je suis sûr qu'on en serait arrivé là. Mais c'est... Et ils ont vu le truc venir. Tu mets le pouf, c'est et ça. Après derrière, c'est les cacahuètes. C'est... Hein. Exactement. Ah, mais je suis d'accord. Non, non, mais faut pas pousser non plus. Mais, oui, mais enfin, ce que je voulais dire, moi, c'est qu'en termes de nuisance, ok, une fois gonflé, ça prend de la place, mais on est quand même loin des autres choses interdites. Par exemple, tabouret ou chaise de camping qui sont également interdites. Ça, je trouve ça plus normal, vu qu'année dernière, les gens ont tout laissé en vrac tellement ils s'en foutaient. Ouais, ça c'est donc vrai. Là, on est quand même sur un autre délire, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'était plus dans cet esprit-là. Après, je comprends qu'effectivement, ça fâchait, qu'ils se sont dit, bah après tout, on coupe tout. Chut. Interdit, les mecs, vous êtes en festival, faut pas non plus trop déconner. On va prendre ta petite chaise ! T'as pensé à prendre ta petite laine ? Ah ouais, oh ! Bah, la petite laine, pour le soir, moi, je trouve ça normal. Un plaid. Un peu frisqué, un plaid. Tu arrives, c'est la petite fraîche qui tombe. Hein, il est 8h30, 9h, ça, il commence à faire frisquer. Hein. Bon, c'est normal que la petite laine soit de partie, tu vois. Bah, peut-être qu'il faut se bouger pour pas avoir froid. Bah, peut-être, mais bon, il y en a qui sont pas tout le temps en train de se bouger. T'attends, par exemple, pour tiens, remettre de l'argent sur ta cashless. Tu fais la queue, il y a du monde. La queue. Tu fais la queue au merch, tu dis allez, je tente voilà, ma chance. Par exemple. Il y a peut-être un peu plus de moins de monde. Voilà, t'as pas eu la chance, par exemple, de gagner un pass Knotfest. Ouais. Donc t'as pas pu aller au merch le jeudi, donc t'es obligé d'y aller le vendredi, voire le samedi, voire le dimanche. Ouh là là. Bah suffit que t'y ailles, hein, à 13h, l'après-midi, il fait beau, cagnard, t'as chaud, t'en peux plus. Et ouais. Que t'arrives, et que tu commences à pouvoir acheter tes objets à 9h30, 10h du soir. T'as quand même bien perdu ta journée. Bah complètement. Mais, il est où l'intérêt ? Mais voilà, et bah, t'es bien content d'avoir la petite laine. Et je suis sûr qu'à la base, tu venais t'acheter une casquette parce que t'avais le soleil qui te cognait sur la gueule. Mais t'arrives à 10h, tu te dis putain j'ai froid, je vais peut-être plutôt acheter un sweat. Bah du coup la petite laine elle est en trop. Et bah la petite laine elle est en trop du coup. Voilà. Donc on va rajouter la liste. Merde, donc du coup. Rajouter à la liste des interdits. Tu vas pouvoir. Petite laine. Allez, sucrez-moi ça. En tout cas, voilà. Cette année, point de nuisance de gens. Vous essayerez par terre, comme nous. Voilà. À l'ancienne. Comme des hippies. Et sinon, c'est debout. Ou sur les os. Parce ouais. Ils doivent toujours être là. Les genoux aussi, c'est bien. Sur les genoux ? Ouais, sur les genoux. Il faut trouver des genoux. Ah, c'est pratique parce que quand tu fouilles dans ton sac, c'est... Moi, je trouve ça plus pratique d'être sur les genoux quand tu fouilles dans ton sac. Alors, d'être sur des genoux ou de mettre le sac sur ton genou ? Tu peux te mettre sur des genoux, ouais. Mais bon, après, si t'arrives et que tu dis excuse-moi, je peux prendre tes genoux pour fouiller dans mon sac, il y a des chances que tu te fasses envoyer chier. Quoi. Tu rigoles ou quoi ? C'est hyper convivial. Ouais, je trouve ça aussi. Tu t'approches d'une fille, tu dis ouais, t'as de beaux yeux, tout de suite ça craint. Tu dis excuse-moi, est-ce que je peux m'asseoir sur tes genoux parce que je voudrais fouiller dans mon sac ? Ouais, tout de suite. Bah, moi, je pense que. Ouais, ok, d'accord, je comprends pas ce qu'il me dit. Bah, je dirais Hellfest. Voilà. Ouais, là, c'est ça, ouais. Ah oui, tu rajoutes Hellfest derrière. Ou tu dis bah, attends, ouais. Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait cette proposition ? Ah bah voilà. Bon, après, si c'est déjà arrivé, là, t'es un peu en mode redondant et là, t'es lourd. Là, ouais, tu peux jouer le gros lourd. Ouais, ouais, ça, c'est un peu... Aïe, ça, c'est aïe, pas cool. Aïe. Après, on peut très bien lui dire la vérité, comme quoi on est déjà maqué, donc elle craint rien. Oui, voilà. C'est juste qu'on veut vraiment fouiller dans le bah sac, oui. C'est tout. Du coup, c'est un peu... Ouais. Attends, on peut se rendre service, hein. C'est ça. Ou alors, tu peux aussi t'asseoir sur le visage des gens qui sont allongés. Non, ça, ouf. Parce que ça, je pense que tu le prends mal. Ouais, c'est vrai. Je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, moi je suis là comme ça, quelqu'un s'assoit sur mon visage. Non, je le prends mal. Ouais, je pense aussi. Ouais. Enfin, ça me plaît. Et en plus, je le prends perso. Ah ouais ? Alors que c'est complètement. Mais, ouais, non. Moi, je trouve pas ça. Je trouve que c'est pas visé personnellement. Bah, si. Hein, si. Ah, moi, je le prends comme ouais, ça. Ouais. Il y avait beaucoup de visages, tu choisis le mien. C'est que... Ah, mais tu sais pas voir. Ah, il vient de cracher. Ah, on dirait moi un jeudi soir. C'est toi, tu me péris avec tes conneries. Ah, c'est horrible. Oh, mais j'arrête. Ah, je me casse. Je peux pas travailler dans ces conditions, moi. Je suis là. Je suis un professionnel, moi. Merde. Je lis mon prompteur. Bon, on va continuer. Hein, très bien. Bien contre tous. Ah, oh, j'adore. Tagana Jones. Oui. Ouais, Zach. Ah, désolé. Ah, ça m'est remonté dans le pif. C'est pas grave. Conneries aussi, là. Faut pas que tu me fasses rire comme ça, c'est pas possible. Du coup, news suivante, on en parlait la semaine dernière, truc de dingue, mais samedi, donc samedi 7, je crois, 7, 8, 9, alors samedi 8, c'est à ça. 13h, ils ont remis quelques centaines, une centaine, deux centaines, je ne sais pas combien de places. Bah en fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Ça n'a pas été précisé. Non, ils ont, donc on rappelle, donc c'était les gens qui avaient souscrit une annulation. Ouais. En cas de désistement. Et donc, c'est tous les gens qui ont annulé. Ils ont pu remettre en vente ces passes-là. Donc, ça a été assez vite, je crois. J'ai pas pu tout suivre quand j'étais en mariage, mais... 13h, je crois que c'était en 2h. Ah, quand même ? De ce que j'ai vu, c'était en 2h, ouais. Tout est parti. Bah, ça va ? Ouais, ça va, ouais. Mais bon, je pense qu'il y en a plein qui étaient encore en file d'attente, alors que la vente était finie, quoi. Ok. Du coup, en tout cas, c'est une bonne chose d'avoir permis à des gens de choper leur passe 3 jours à la dernière minute, quoi. Ouais. Une semaine avant, c'est stylé. Bah ouais. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, on peut reconnaître qu'il y a encore une fois pas mal de bonnes communications du fest. Rien qu'encore aujourd'hui, il y avait 2 photos qui ont été postées, des photos au drone. Oui. Une photo de la Warzone et une photo des main stage. Donc du côté de la scène, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est face à la fosse, en fait. Voilà, qui permet de découvrir alors deux nouvelles choses bitumées ou, comment dire, du bitume. Je sais pas si c'est pavé, si ouais. C'est... on voit pas trop la matière. En tout cas, on voit que c'est marqué dessus, devant les main stage, Wall of Death, ouais. Et devant la Warzone, Circle Pit. Voilà. Avec le sens, avec les flèches. Avec le sens, ouais, donc c'était très très stylé. C'est sympa. Donc ça fait partie des nouveautés. Il y en aura d'autres. Je sais pas s'il y en a d'autres que tu veux nous citer pour l'heure. Bah là après, mis à part la sculpture qui va être ouais, face au main stage, j'ai hâte de la voir ouais. Ce que c'est. Je sais pas, bah là on a vu quelques photos qui ont été postées via le Hellfest ouais. De Monique Lamouche, tout ça. En, ouais, en train d'installer. En train de bosser et tout, quoi, donc ouais. Voilà, bah on va découvrir ça le jeudi. Exactement. Ça va être chouette. Donc ah bah écoute, je fais la news suivante encore. Oui, vas-y, fais-toi plaisir. Parce que j'ai ouvert le lien dans la page d'à côté. Ah bah, écoute. Ah, voilà. Alors, ce que je te propose de faire, c'est de raconter un truc le temps que je finisse mon bonbon. D'accord. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Il y a pas les titres. Une roucasserie. Ah oui, une roucasserie. Ah oui. Oh, vous avez de la chance ce soir, c'est la dernière. Les roucasseries, tome 5. C'est les fous rires de Ben & Nuts. C'est le petit Guigui et la petite Zaza qui sortent de l'école avec leur petit cartable sur le dos. Et là, sur le chemin du retour à la maison, ils passent le long du canal. Tout à coup... Ouais. Tout à coup, il y a le petit Guigui qui dit à la petite Zaza « Oh, regarde, là, sur la berge, on dirait un préservatif. » Alors Zaza regarde et lui demande « C'est quoi une berge ?» Eh bien, merci Bob pour cette lecture. Ouais, c'était une bonne idée, ça. Merci. Ouais. Bah, c'est toi qui l'as réclamé. Hein. T'étais tellement enthousiaste à l'idée d'avoir une roucasserie. J'ai pas de souvenir de ça. De Jean Roucasse ? Oui. Moi non plus. Alors, reprenons le conducteur. Nous connaissons le programme du live stream sur Arte comme chaque année, la consolation des gens qui ne viennent pas. Et même, soyons honnêtes, pour les gens qui étaient présents, des fois on aime bien quand on rentre à la maison retrouver. L'ambiance. Voilà, l'ambiance. Donc café. Ces concerts seront diffusés en direct. En même temps que le Hellfest. D'ailleurs, ceux qui sont au Hellfest, vous pouvez le voir sur l'écran géant qui est devant la scène en général. Oui, donc ça sert à rien. Hein, parce que... donc, pour qui je sais pas. D'accord. Non, je voulais dire un truc. Je sais pas. Bon, allez, à la tienne. Hein, donc, c'est donc, une, donc Arte qui permet de diffuser ça. Donc, le vendredi 21 juin, il y aura un concert de No One, Demon on Wizards, Dagoba, Pestilence, Ultra Vomit, Cavalier Tag, Dropkiss Murphys, Massisteria, Carcass. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Lors de la première danse des mariés, Joe a mis un peu de Dropkiss Murphys. Ah, je t'ai dit du Carcass. J'aurais trouvé ça rigolo. Ça aurait été rigolo. Ouais. Le samedi, ça sera Boz Uncles, Combi Christ, Mercure, The Vampas, Cradle of Filth, The Addict, Architect et Le Bal des Enragés. Et dimanche, Testament, Anthrax, Scald, Nasty, Lamb of God, Emperor, Beartooth, Carpathian Forest, Refuse, Tormentor et Hunter Shikari. Ce qui est plutôt cool parce que je me rends compte qu'il y avait 2-3 groupes que je ne verrai peut-être pas parce que je serai sur d'autres scènes. Et du coup, tu pourras les revoir. Tout à fait. Ou comme j'ai souvent remarqué, certains concerts en main stage sont plus faciles à apprécier quand tu les revois. Ouais. Voilà. Mais de toute manière, nous parlerons des main stage tout à l'heure. Écoute, tu fais la prochaine. As-tu vu la collection Greeting from Hell. Yep. Non, j'ai pas vu la nouvelle collection. Bon, alors je vais donc devoir encore faire cette news. Non, mais c'est pas grave, hein, vas-y. Je devrais faire ce podcast. Parce que les flibustiers non plus, hein, d'ailleurs. Eh ben ça, j'ai vu ça en fait, que c'était sur l'application quand tu le lances, mais c'est marqué déjà que les précommandes étaient terminées. D'accord. Alors, donc une nouvelle collection de Greeting from Hell, qui est donc la marque, je sais pas comment ils se définissent ces gens-là, c'est la boutique de souvenirs du Hellfest. Voilà, c'est comme ça que c'est marqué sur le compte. Ouais. Donc c'est assez intéressant parce qu'ils ont pris le... Alors j'ai pas le souvenir que c'était pareil l'année dernière, donc je vais partir sur le principe que non. Ils ont pris un parti de faire une marque avec des photos et des trucs un peu décalés. Pas décalés dans le sens drôle, mais décalés dans l'audace. On voit par exemple là un t-shirt avec une photo 666 sur une palissade, un peu dégueulasse, mais... Ouais, ok. Tu vois, ouais, c'est totalement audacieux, ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un autre t-shirt un peu dans le même esprit. Sympa. C'est ma maman. Ah, bah tu lui passeras le bonjour. Plus tard. Une paire de pompes Vans Hellfest, classique. Ouais, ouais, on les a déjà vues, je crois. Ça 55 balles. Les t-shirts que je suis nommé étaient à 30 balles quand même, hein. Stop. Ouais. Stop. Regarde, encore un autre t-shirt un peu. Ouais. C'est original. Bah ouais, ouais. C'est assez épuré. Je trouve que ça fait très. Un pins. Ouais. Un joli pins marqué. Un mini panier. New Yorkais, je dirais, moi. Un mini panier avec marqué Hellfest dessus à 15 balles. Un patch, 3 euros. Alors ça. Ça, je l'ai vu, ouais. Ouais, un t-shirt église qui brûle. Notre-Dame. Pas forcément, mais même pas forcément bien dessiné, mais un truc... Ah ouais, d'accord, ouais, c'est très... tu distingues pas bien, donc du coup, c'est vrai que... C'est particulier, une veste... Harrington, dans l'esprit, un peu. Une trucker jacket. Trucker jacket. Une veste trucker. Ah bah, je vais aller voir ça. Ouais. Ah, 125 balles. Ouais, bah ça va, après c'est... Des patchs. Un suite avec marqué terre, vent, eau, feu, terre, vent, eau, feu. Bah, 65 euros. Notre patch Greeting from Earl. Un t-shirt, un polo classique. Une paire de lunettes Vans Hellfest à 19 balles. Alors celui-là, j'ai pas compris. Un t-shirt Me Marquez Slayer, Me From Elk. Et apparemment, il y, y a les deux trucs. D'accord. Un partenariat, peut-être. Non, mais c'est pas ça. C'est la forme qui est chelou. Ou alors, c'est un truc qui s'ouvre et que je comprends pas, mais... Ah oui, effectivement, ouais. Tu vois, C'est très particulier. C'est coupé. Ouais. Donc, ou alors, il y a les deux modèles, mais ça a pas l'air, vu que sur toutes... Enfin, je sais pas, je... J'y comprends pas. Oui, bon, bah, on découvrira ça. 35 balles, quand même. Hein. Ah ouais. J'ai la découverte. Pour un truc mal coupé, en plus. On verra, hein. Si on a dit de la merde, on se reprendra un frisbee. Très drôle. Sympa. Ouais. Ça, j'aime bien. Combien? 5 euros. Oh, bon, écoute. Pourquoi pas. Ouais. T-shirt classique, un petit polo. La planche de skate. Ouais, la planche, mais sans les roues que la planche. Oui, ça, après. Le portefeuille, 25 balles quand même. Il se pack, mais bon. Ouais. Un t-shirt classique avec le logo de cette année du Hellfest à 25 balles. Un bonnet, un classique à 20 balles. La montre, j'aimais bien la montre. Ah ouais, d'accord. Je la trouvais sympa. Toi, t'aimes bien la montre. Mais 110 balles. 110 balles. 110 balles, je l'aime beaucoup. Mais si t'as pas une montre Hellfest, t'as 50 ans, t'as raté ta vie, mec. T'as raté ta vie. Et un petit stylo 4 couleurs à 5 balles. Voilà, pour les nouveautés. Le stylo, il était déjà, je crois. Peut-être. Bah, comme les ventes, ils étaient aussi. Enfin, voilà, c'est une nouvelle collection de trucs. À noter aussi qu'il y avait eu un magasin qui a été ouvert sur Paris. Alors, je sais pas si c'est un magasin éphémère ou pas, je suis pute. Et je sais qu'on pouvait se faire floquer un t-shirt là-bas. Tu avais une liste de trucs que tu pouvais te mettre dessus. Sympa. Voilà. Donc ça, c'était pour les nouveaux trucs. Donc pour le flibustier maintenant, qui nous invite à venir boire du rhum. Ah, mais ils sont sympas. Parce qu'en fait, ils ont demandé sur Twitter qui c'est qui venait au Hellfest. J'ai répondu, nous, vous payez la première bière. Ils m'ont dit, bah nous, on paye du rhum tous les jours. Ouais. Bah on viendra, vous êtes des frères. Voilà. Voilà. Donc... Bah, c'est comme ça qu'on... Normalement, tu vois, il y a Fibustier, bijou officiel. Et en fait... Ah oui, d'accord. Quand ouais, tu... Mais il n'y était pas avant ça. Et bah non, je l'ai vu dans la journée. Mais ouais. En fait, quand tu regardes... bah, je sais plus, mais en fait, tu... les précommandes sont déjà finies. Donc, ça va trop vite maintenant. Ouais. C'est le problème, hein, ça... voilà. Donc, il y a même des pubs de concerts sur l'application maintenant, c'est rigolo. Mais c'est donc des nouveaux bijoux flibustiers tamponnés Hellfest, hein, classique. Ouais. Des bijoux très stylés, comme ouais. À chaque fois chez Flibustier. Assez rush, mais... Ouais, c'est ça le problème. Mm. Mais toujours, par contre, ça a l'air d'être une qualité impressionnante. Ouais, ouais. Apparemment, c'est top qualité. On peut donc aussi maintenant parler des nouveaux verres. Oui, les as-tu vus? Ouais, je les ai vus. Le verre du culte. Ah, d'ailleurs, en parlant de verre, ah, oh, on arrête tout. Ah ouais. Julien, à qui on devait montrer le verre, parce qu'on a dit, il y a 15 jours, on a dû dire, oui, les verres collector, le verre de peinte, il s'achète comme Metal Corner le jeudi. Là. Il a acheté le sien à un désoiffeur sur le Hell City Square. Qu'est-ce que tu dis de ça, mec? Hell City Square Camping, c'est pas loin. Mais il l'a acheté le jeudi, donc est-ce que le jeudi, tu peux l'acheter partout? Ah, grave et belle question. Va falloir qu'on se renseigne. On va mener notre enquête. Si on y pense, on va... Investigage, mec. Ouais, on va essayer de se renseigner pour ça. En tout cas, les deux nouveaux verres sont sortis. Alors, t'es d'accord avec moi que c'est l'autre verre, c'est bien celui qui sera au Metal Corner. Avec la lumière. Bah, est-ce qu'il y a pas vraiment une lumière, c'est juste le... Si, il y a des petites LED à l'intérieur et tout. Super classe. Oui, le verre collector qu'on a tous pu voir, qui se remplissait de... De Red Bull. De Red Bull, voilà. Oui. Oui, ce verre-là, le fameux collector, va être au camping. Ouais. Donc, c'est un verre collector cette année avec Red Bull, ouais. Qui est plutôt simple, mais qui est très beau, je trouve. Ouais, il est stylé. Ouais. Ouais, il est vraiment beau. Alors, à savoir si c'est juste un partenariat Red Bull ou le verre unique qu'il y aura en peinte, on verra. Voilà. Parce qu'il ne ressemble pas trop au dessin qu'on a l'habitude de retrouver. C'est ça, ouais. C'est pour ça que j'ai un doute, moi. Ouais. Donc, à voir. Donc, c'est un verre qui reprend le logo... escraque de code avec le personnage qui regarde et qui est comme aspiré par le ciel. Et il est plutôt très joli. J'ai rarement vu d'ailleurs un shot pack de cette qualité juste pour un verre en plastique, mais ouais. C'est très beau. Et il y a donc eu aussi le verre du culte, qui est souvent un des plus beaux verres de l'édition en général. D'ailleurs, on est très content de nos verres de l'année dernière. Nous serons sûrement très contents de nos verres de cette année, même s'il reprend un peu le dessin, je trouve. Ah bah, il reprend complètement le dessin, hein. Tu vois? Bah, c'est ce que... Sur la stèle? Ouais, bah, même un peu, il me rappelle un peu quand même le verre de l'année dernière. Bon, non. Un peu, je te montrerai. Mais non, mais je l'ai, le verre de l'année dernière. Il est là, toi. Ah non, ça c'est celui de l'année d'avant. Ça. Ah bon? Celui-là. Bah oui. Ouais, d'accord, non, mais moi j'ai celui-là aussi. Oh, tu. Salaud. Bon, en tout cas, des verres qu'on aura qui sont très jolis, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Hein. En parlant du Hellfest Cult, on a eu. Bah, on a appris ce qu'il allait avoir de nouveautés, mais. Si vous n'allez pas au Cult, ben on vous le dit pas. Voilà, c'est ça. Ou est-ce qu'on leur dit quand même? Bah, tu peux leur dire, vas-y. Ok, donc faut que tu meubles. Ok. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ça va être compliqué. Hein. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Bah, si, les meubles Hervieux. Ouais. Saint-Jean-des-Bézans. C'est pas mes meubles préférés, mais d'accord. Meubles de qualité, quand même. Ah, je sais pas, j'en ai un savoir-faire de plus de 150. On a eu un commentaire de Julien. Oh, Julien. Bonne app. Bonne app, carrément. Yes. Bonne application, bon appartement. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? À cause des bonbons. Ah, d'accord. Ah, oui. Ah, c'est ça. Toi, tu. Oh, tu sais, moi, je suis plus à ça près. Oh, l'exagèrement. Toujours un petit peu. Non, mais c'est ça, c'est fou. Alors, bah, j'ai jamais retrouvé où est-ce que c'est, ça. Bah oui, mais retrouve, parce que bon, je vais pas pouvoir meubler comme ça indéfiniment. Hein. Bah, les gens sont suspendus à mes lèvres, ils n'écoutent que moi, et ils sont là. Ah, mais dis-nous tout, Bob. Ah. Mais alors que je ne peux pas leur dire, je peux pas leur dévoiler comme ça, c'est pas possible, tu comprends. Déjà, d'une, je pense qu'ils sont pas préparés. Ils sont pas préparés. De deux, leur petit cœur ne le supporterait pas. Supporterait pas. De trois, je vais boire un peu. Ouais, c'est tu bien peux ça. Meubler aussi si tu veux. Bah, je vais essayer. Ah. Il retrouve attends. Pas, c'est pour ça. Du coup, il cherche. Bah, sinon, tu le dis pas. Ouais. Et puis, on le dira un autre tour. Ah, bah oui, attends, je suis trop con. Ah, bah, c'est certainement ça. et la réponse était là depuis le début. Voilà, tu vois, on cherche. Et puis, c'est souvent. Alors au programme 2019, une nouvelle antenne dessinée au mieux avec l'arrivée des changements du Metal Corner. Un comptoir en L qui sépare le snack du bar, une grosse borne de rechargement de portable, des miroirs. C'est parce que c'est pour s'y regarder. Une plus grande zone chill dans la structure. 11 canapés, 3 passes en plus des 8 autres de l'année dernière. 2 salons de jardin en plus, 2 hamacs, 1 pergola couverte. On ne dit pas une. C'est ce que je me suis posé comme question. Ouais. Plus d'assises, des ventilateurs, table de bière Pong et table de bras de fer. Comment je déboîtais. Un brise-vue de l'extérieur, un vigile en plus, un ostéo. T'as vu la mouche? Ah, oui. Ah bah, okay. Un masseur, un réflexo, un barbier, 6 régisseurs, 40 bénévoles, des groupes, une animation karaoké, show sexy et dédicace, un tout nouvel habillage signé Visual Injuries, vos sales gueules sur la vitrophanie et sur quelques bâches, un poids d'eau, des toilettes, une plus grande terrasse en L qui va favoriser les petits coins intimistes. On fait le maximum pour vous proposer un lieu chaleureux pour poser un cul et se ressourcer pendant le festival et faire de la chouille le soir. J'espère que ça vous plaira. En parlant de chouille, préparez-vous à affronter nos nouvelles Fury Tent et Party Tent, la grosse nouveauté du Metal Corner qui ne va certainement pas passer inaperçu. Désolé, mais cette année, il n'y aura pas d'écran Baby Foot ou Flipper dans le cul. Je n'ai pas réussi à choper de nouveaux deals. Voilà. Donc, tous ceux qui nous écoutent et qui sont au culte sommes heureux comme nous. Tous ceux qui vont au Hellfest et ne sont pas au culte s'en foutent peut-être. Certainement. Et pour tous les autres qui restent, donc ça veut dire ceux qui viennent pas, mais qui nous écoutent. Il y a ceux qui viennent pas, qui connaissent pas le Hellfest et qui nous écoutent pas. Ah oui. Est-ce que tu crois, tiens, ça serait marrant ça, qu'il y ait quelqu'un, genre qui se fout totalement du Hellfest, mais qui nous écoute quand même. Ah, bah manifeste-toi alors. Parce que là, tu m'intrigues quand même. C'est genre, ah oh non, mais vous me faites marrer, ça a l'air sympa votre truc. Moi, ça m'intéresse pas, c'est pour mon délire. Autant la côté Big Flo et Oli, vous m'avez fait marrer parce que j'aime bien, mais c'est quoi. Très bien. Donc, je te laisse faire, à ton tour, tu vas pouvoir nous parler des main stages. Bah, justement, c'est ça le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir t'en parler. Pourquoi? Parce que je ne les fréquente pas. Arrête tes conneries, je t'ai déjà vu plein de fois au main stage. Ouais, je sais, le matin. Non! Si, le matin, tôt. Skinhead. Ouais, c'est vrai, c'était le matin, tôt. Lamb of God. Ouais, Rob Zombie. Marilyn Manson, mais ça c'était... Stone Sour. Ouais, Zach. Limp Bizkit. Ghost. Ouais, Ghost. Turbo Negro. The Offspring. The Offspring, exact. Ouais. Comment elle s'appelle? Lamb of God, Black Sab. L'autre blonde, là. Ah ouais, qui était à moitié à poil. Ouais, quand on a vu tout le concert, en fait. Ouais. Bon, on était loin, on était au bar. Bon, bah alors, les main stage, qu'est-ce que c'est? Alors, les main stage, c'est deux scènes, déjà. C'est les deux plus grosses scènes du festival. Voilà. Là où passent les grosses têtes d'affiche, les gros groupes. Et étonnamment. Mondialement connus. Et aussi les petits moins connus. Totalement inconnus aussi. Et passe aussi le gagnant du. Tremplin Voice of Hell. Voilà. À savoir les Fallen Lilies. Exactement. Donc c'est ça, les main stage, grosso merdo. Ce sont les deux plus grosses scènes du festival où passent à peu près tous les styles, mais voilà. Principalement ce qu'on appelle justement les groupes type mainstream, qu'on sait pas où foutre ailleurs parce qu'ils sont pas assez typés, voilà. Ou que quand ils passent ailleurs mais qu'ils sont devenus trop gros, arrivent pour toucher le maximum de public. Par exemple, Behemoth ne joue plus sous la Temple, maintenant ils jouent en main stage. Exactement. Voilà, donc c'est pour ça que des fois... Ça a toujours été un petit peu ça, avec un groupe de death metal, black metal... Ouais, toujours, ouais, bah oui. Sur main stage. Et donc des fois, il y a des groupes qu'on aimerait voir ailleurs parce que ça leur correspond plus, mais qu'on des fois atteint un certain succès, qui se retrouvent en main stage, ou inversement, des groupes qu'ils n'ont pas réussi à caser là cette année. On se souvient tous d'un Red Fang en dimanche après-midi qui était très décevant. Et on a un peu peur cette année, du coup, pour Clutch. Après, ça reste deux scènes qui sont fort agréables en début de matinée quand il n'y a pas encore du monde parce que tu peux te retrouver à vraiment voir des petites découvertes sympas. Parce qu'on se rappellera de Moss Generator l'année dernière. Très vrai, ouais. Qui était très très bien. Ou même de Bukowski et de. Bukowski, ouais, qui était très bien. Et de Black aussi. Bombay, ouais. Qui était fort sympathique. Ouais. Donc, oui, non, c'est vraiment les deux grosses scènes qui font. Qui sont. Alors, je ne sais jamais trop, mais est-ce qu'ils sont à côté. La grande roue ou face à la grande roue? Parce qu'ils sont un peu décalés maintenant. Ils sont légèrement décalés de la grande roue. Ouais. Ouais, c'est à moitié le bordel. La grande roue, dont on a le prix, c'était 5 euros, je crois. Non, ils sont en face de la grande roue. C'est pour ça, quoi. Mais c'est parce qu'ils sont légèrement. En face, ouais. Bah, rappelle-t'en, quand on avait vu. Regarde. Ouais. Ouais, ils sont quasiment en face, voilà. Ouais. Donc, on rappelle aussi que j'en profite, comme on parle du festival lui-même, que donc, du côté de la grande roue, il y a en son sein. Et on s'abase des bars et des Hell Snake où ouais. On peut se nourrir. Souvent là où on se nourrit, nous, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et donc, il y a aussi, je crois, c'est le seul endroit sur le festival qui a ça, mais un bar café où on peut boire du café. Oui, exact. Et donc, cette année, il y a aussi un bar plus spécialisé où on pourra boire de la bière La Bête. Donc, une bière un peu plus forte. Il sera à côté de la Grande Roue, celui-là, normalement. C'est pas Mélusine, La Bête, non? Peut-être. Ouais. J'ai cru voir un truc avec Mélusine... Et le Hellfest, un jour. Et donc, on peut aussi reconnaître qu'il y a toujours plusieurs types de spectateurs au main stage. Il y a ceux qui viennent là et qui passent leur journée devant les main stage. C'est ça. Ils viennent voir. Ils passent vraiment d'une scène à l'autre parce que l'avantage d'avoir deux scènes, c'est que pendant qu'une se prépare, l'autre est en train de jouer. Ce qui permet des concerts de s'enchaîner. Et il y a vraiment une partie de la foule qui ne va pas ailleurs, qui reste là. Qui fait que de se déplacer de main stage en main stage pour voir les grosses têtes d'affiche, ils sont là que pour ça. Les touristes. Plus ou moins, ou des gens qui... Enfin, voilà, faut... Moi, il y a des gens, c'est leur kiff, et ça leur permet peut-être aussi de découvrir des fois d'autres groupes, tu vois. Ouais, mais moi, je comprends pas le kiff, quoi. Le Hellfest, l'idée, c'est quand même d'aller se balader partout. C'est... La Warzone, t'as plein de trucs à voir, c'est génial. Ce qui y passe, c'est génial. La vallée, idem. T'as mis un peu de temps à aller à Temple et Altar, donc... C'est oui, peut-être... mais j'y allais quand même. Ouais, mais dis-toi que c'est peut-être aussi une question de je sais pas. Mais non, mais moi je te parle que des gens qui sont là à partir du moment où ils arrivent en main stage oui. Et qui ne bougent pas, tu vois. Oui, bah parce que peut-être pour aller faire un petit pipi ou ah parce qu'il reste aussi le type de public qui vient voir un groupe en particulier et qui veut être sûr de pas le rater, donc d'être bien placé. Ah bah oui. Genre par exemple, on va pas se mentir, tout le dimanche soir, ça va être la guerre. C'est intéressant. Donc... Mais oui, je pense que oui, ça va être voilà. La guerre. Donc, on va pas. Moi, par exemple, j'ai très envie de voir Tool. Je suis pas du tout en train de me dire, je vais les voir de près. Je voudrais voir Tool. Oui, voilà. Oui, non, ça c'est sûr que. Voilà. Donc, alors peut-être que j'arriverai à me faufiler telle une petite anguille. Mais... Ça m'est arrivé une fois avec Black Sab. D'arriver à te faufiler. Bah, d'arriver à me faufiler, ben on était quand même assez loin. Tu vois où on était pour Limp Bizkit? Mm-hmm. Ben, on était tout derrière en fait. Là où t'avais les. les handicapés. Ouais, c'est ça. Le PMR. Ouais. Donc, on a réussi à aller jusque-là, on n'a pas pu avancer plus, quoi. Bah non, mais des fois, tu peux pas. Hein. Ouais. Un peu comme pour Iron Maiden, là, hein, c'était blindage. Ouais, mais là, j'ai pas tenté ça. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc, les main stages, c'est les deux grandes et plus grosses scènes. C'est celle qui attire aussi le plus de monde. Et c'est là où il y aura cette année des nouveaux écrans encore plus gros, encore plus grands. Voilà. Donc, ne cherchez pas, les têtes d'affiche sont là, les grands groupes sont là. La 100% franchise, elle sera là. La 100% trash aussi, elle sera là. Donc, ça fait partie des avantages et des inconvénients d'aller en festival. C'est-à-dire, c'est les grandes scènes. C'est là où il y a donc le plus de monde, mais les plus gros groupes. Nous, de notre expérience, on préfère les plus petites scènes à cause principalement de l'ambiance et aussi... grâce à l'ambiance. Ouais, enfin, ouais, grâce à l'ambiance et pour vraiment plus profiter du concert parce que ce qui se passe avec les main stage, c'est des fois, il peut y avoir un peu de vent et le son part complètement en vrille. Ouais. Et que des fois, bah, y a juste vraiment trop de monde pour profiter du concert. Donc, c'est pas agréable. C'est pas agréable pour nous, encore une fois. Voilà. On préfère des fois une vallée blindée. Mais accessible. Mais accessible, qui conserve une ambiance propre. En plus, qui peut être gênant, mais après, ça c'est pareil, c'est au choix de chacun. Mais le fait d'être couvert comme la vallée Temple ou Altar, c'est que tu arrives à créer une ambiance à n'importe quel moment de la journée. Les main stage le matin jusqu'à 18-19h, on va dire, t'as aucune light, enfin, où les lights ne marche pas pareil, donc ouais. L'ambiance elle est très particulière parce que on a beau dire, mais un groupe sur une grande scène comme ça, bah faut la remplir, faut pouvoir se déplacer dessus et la conquérir. C'est pas toujours simple sans lumière, sans aide. Voilà. Après, quand t'as un groupe comme Slipknot, y a pas de problème. Quand t'es Ghost, y a aucun souci. Manowar qui s'étoule, ça va aller. Ouais, je pense aussi. Voilà. Ouais. Après, je vois, moi j'ai dans les groupes que j'ai à chroniquer ce soir, j'ai Nova Twins. C'est deux filles avec un batteur. Heureusement elles sont en main stage. Ouais, elles sont en main stage en fin de matinée. Donc, Oh oui, ça devrait être plus simple quand même. Plus simple, mais tu vois, faut déjà y aller quoi. Ouais. Donc voilà. Ce sont les scènes qu'on aime le moins. Pas pour la reprogrammation, mais pour l'appréciation. Pratique, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Mais on comprend. Mais après, quand tout se passe bien, c'est agréable de voir aussi cette ambiance qu'il y a en main stage. Ah bah oui. Même. Quand on a vu Korn, tiens, qu'ils avaient refait Blind. Ils avaient refait Blind. Tout en entier, ouais. C'était carrément sympa parce que c'était de nuit déjà. Ouais. Donc là, il y avait vraiment un jeu de lumière qui était vraiment bien. Et il y avait aussi Rob Zombie. Ouais, ça, j'avais pas. Même année ou l'année d'après, qui était très bien aussi. Qui était passé de nuit. Moi, je l'ai vu deux fois, deux jours. C'était moins terrible. Franchement, là, j'avais vachement apprécié parce que après, t'avais les explosions de. Une espèce de paillette ou je sais pas quoi, ouais. Qui donnait aussi justement un reflet avec les lumières et tout. C'était vraiment... Ghost était vachement bien. Hein. Ouais. Skindred était bien malgré que c'était en après-midi. Ouais, parce que ça s'y prête aussi. Alors que Devil Driver était moins bien passé. Bah ouais. Mais là, problème c'était le son. Ouais, problème de son. Ouais. On avait vraiment l'impression qu'il y avait un mur qui séparait le son et l'image. Et le problème que ça créait, c'est que ça nous faisait vraiment sortir du concert. Quoi. T'avais et pas... Lord of God aussi, on a eu un peu le même problème. Ouais. J'avais un problème de son aussi. Ouais. Donc voilà. C'est donc je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout parce que donc il y a main stage aussi, donc comme on l'a dit, de l'autre côté un peu à côté normalement du merch des artistes, c'est ça, et de la PMR et de la signing station qui n'y aura pas cette année. Ouais, donc et du coup ce qui est marrant, c'est que le merch des artistes, nous n'y allons jamais ou très rarement. Bah, on passe à côté mais bon après c'est toujours pareil, les artistes ils vont leurs t-shirt, album, machin, sur moult et moult. C'est vrai, mais j'aurais plus tendance à l'acheter là qu'ailleurs, du coup. Et pourtant, ouais, j'y vais pas. Bon, après, moi, peut-être aussi parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais. Oui, mais on n'y passe pas beaucoup. On pourrait très bien dire, allez, soyons curieux. Ah, moi aussi, j'y passe quand même. Ah ouais ? Ouais. Ah, pas moi. Et donc, il y a la PMR, et donc est en hauteur pour permettre justement d'apprécier plus facilement les concerts, et la scène des... Comment on appelle ça ? Des gens qui donnent des sous au Hellfest. J'ai oublié le nom. Ouais. Des... Donateurs. Donateurs, c'est pas mal. Ouais. Des contributeurs. Ouais. C'est pas... des mecs sympas. Des mecs sympas. Des meufs sympas. Des gens qui ont de l'argent. Ouais. Des bienfaiteurs. Des bienfaiteurs. Oh. Des amis du métal. Ça doit être un truc dans le genre. Ouais. Et donc, petite blague, bien sûr, au pied de tout ça, il y a des urinoirs, ce qui peut permettre aux gens en hauteur de rigoler sur la taille des kikis. Eh, mais ouais. Bah oui, c'est tous les ans, c'est comme ça. Exact. Tout à fait. Pour ça, je fais jamais pipi là, moi. Bah ouais, carrément. Bah oui. Ouais, mais ouais, j'avais pas pensé à ça. Ah, mais ils pensent pas à ces trucs-là. Bah non, c'est parce que moi, enfin, je veux dire, j'ai pas... ouais, sympa. Et cool. Voilà, donc voilà pour ce qu'on avait... Est-ce que tu as d'autres news Elfes ou d'autres trucs qu'on a zappé? On en a forcément peut-être zappé. Hein. Comme ça, de put en blanc, non. Bah très bien. Donc je te propose de passer à la rubrique Notfest. Oula. Moi, je dirais... attention. Hein, faut faire attention quand même. Oui. Parce que bon, il reste quand même moins de 2000 places. Bon, ça... c'est sûr, hein, il reste moins de 2000 places. C'est sûr. Ah. Après, est-ce qu'on est sur 1500, 1000 200 ah, ça 100, 3. En tout cas, c'est toujours pas complet. Voilà. Donc, il reste moins de 2000 places à vendre pour la première date du Knotfest en France, qui est un festival de musique métal en partenariat avec le Hellfest, qui lui-même... est un festival de métal, de musique métal. Putain, c'est fou. Ouais. La boucle est bouclette. Ben exact. Donc, y a toujours 10 groupes hein, pour ce mini festival, mini, bon, qui est quand même assez conséquent par, par la taille des gens qui y jouent. Je sais pas si je m'exprime bien. Tu... La notoriété des groupes qui, oui. qui prestationnent. Mais c'est complètement ça. Surtout amarrant. 5 groupes américains ça et 5 passe. Groupes européens. Hein. Donc, cette semaine, du c'est coup, au tour de Slipknot. C'est le dernier qui nous restait, donc il fallait bien y passer. Pas le choix, hein. En plus, comme on en a parlé en news, il fallait bien qu'on fasse quelque chose. Donc, t'as retrouvé de l'internet ? Bah, j'ai un téléphone. Ah, t'as fait ça sur ton tel ? Bah, je me suis servi d'internet sur mon tel. Oh, et... c'est long ! Tu peux pas le faire, toi t'en parlerais bien. Non, t'es fort pour ça. Ah, Slipknot, qui signifie. Pour les noms bilingues, qui signifie nœud coulant. Voilà. Voilà. Donc, plutôt bien trouvé comme nom. À Noël, tu fais un slip note à ta cravate. Mm-mm. Voilà. Donc, qui est un groupe de nu metal. C'est qu'est-ce qu'il dit Wikipédia. Américain originaire de Des Moines, dans l'Iowa. C'est qu'est-ce qu'il dit Wikipédia. Dans l'Iowa. Bah oui. C'est dingue. Bah oui. Il est formé par le percussionniste Sean Crahan et le bassiste Paul Gray en 95. Eh oui. 1901. Ça nous rajeunit pas. Non, c'est sûr. Et trois autres Gus inconnus au bataillon dans le but de créer un groupe destiné à tout casser. C'est mais... Voire même, je dirais, pour être plus genre dans la vénère, tout péter. Tout péter. C'est d'ailleurs Sean... qui lance l'idée d'avoir trois percussionnistes, à savoir un batteur et deux autres personnes, sur des drum kits. À ne pas confondre avec K2000, parce non. que ça n'a rien à voir. Ça ferait, oui, ça fait pas trop de bruit en plus. En plus. Afin de rendre l'ensemble encore plus agressif. Ouais. C'est genre, tain, dans ta... Tu vois, venez, on, ils auraient dit, on peut mettre 15 guitaristes. Non. Deux drum kits, un batteur, bam. Voilà. Le groupe se produit sous plusieurs noms tels Meld, The Pearl Ones, Pig System. Bah écoute, je te... ouais, avec un Y. Ouais, avec un Y. Avant d'opter pour Slipknot. Comme quoi ? Comme quoi, bah tu vois. Je pense qu'à mon avis, si il s'était appelé Meld. Ouais, moins de succès ? Bah c'est sûr. Ah bah peut-être. Eh viens, on va voir Meld. Eh viens, on va voir Slipknot. Ah, bah en même temps, c'était pas facile à prononcer c'est au début, Slipknot. Hein. Ouais. Slipknot, ouais, c'est vrai. Pas évident. Fait amusant. C'est vrai. Lors d'un concours local, Slipknot gagne face à un groupe du nom de Stone Sour. Non. C'est fou. Où le chanteur n'est autre qu'un certain Corey Taylor. Ça me dit quelque chose. Bah, ça me dit quelque chose aussi. J'ai dû le voir dans un film. On a dû le chroniquer, genre l'année dernière ou une connerie comme ça. Tu crois ? Ah, oh, il y a des chances. Ah ouais ? Ouais, peut-être. Le groupe se compose initialement de 9 membres. Et oui. Side, Wilson, Paul Gray, Joey Jordison, Chris Fane, James Root, Greg Jones, Sean Crahan, Mike Thompson et Corey Taylor. Ah bah voilà. Eh ben c'est pour ça. C'était là. C'est ça. Il chante dans Slipknot. Dans Slipknot. Et du coup, il a deux groupes le mec. Non. Si. Oh le salaud. Paul Gray décède en 2010. Ouais, bon. Non, ça met un coup un peu au moral. Hein. Bah ouais, j'imagine. Ouais. Si, ouais. Joey Jordison est renvoyé en 2013. Ça m'a remis un petit coup au moral aussi. Ouais. Hein. Ils sont tous les deux remplacés par Alessandro Venturella, ouais, et Jay Weinberg. Exact. Puis c'est Chris Fain qui quitte, se fait renvoyer de Slipknot au début de l'année là. De l'année là. Hein. T'en as parlé. Exact. Pour une histoire de rémunération liée à du merch. Ouais. C'est toujours pas réglé l'histoire, je pense. Ouais, bon après ça. En tout cas, il a été remplacé. Est-ce donc, que tu crois qu'on aura le fin mot de l'histoire? Ah, ben je vais appeler Chris. Hein. Ouais. Hello Chris, I'm après. Jack from Road to Hellfest. Road to Hellfest. Yeah, with my friend Bob. Yes, we interroge you about. Alors, so, what is the fine word of this story? Yes, the merch. What's the problem with the merch? Do you have the money or not the money? Ouais, alors. So, do you have the number of Corey? Yes, of course. Tiens. Slipknot est connu pour leur image, numéro, masque, combinaison, leurs chansons agressives et leurs performances scéniques chaotiques. C'est vrai. Car ils changent de masque et de tenue à chaque nouvel album, ce qui fait d'ailleurs partie des choses attendues quand de la nouveauté est annoncée dans le groupe. C'est vrai. Tout à fait. On attend toujours un petit peu. Ah, ça va être quoi le nouveau masque? Ça va être d'ailleurs, quoi? D'ailleurs, je trouve que le masque de Taylor cette année est dégueulasse. Il est dégueulasse. Ce qui concerne le port du masque, le groupe s'est inspiré de Mushroom Head. Yep. Connais-tu Mushroom Head? Ah ouais. Ah, connais-tu? Par contre, j'ai compris que des tubes. C'est pour ça. Oui. Mushroom Head, de nom, je connais. Non, je ne connais pas plus que ça. Et visuellement? Peut-être. Je crois que ça me dit quelque chose. Est-ce qu'ils ont vraiment des masques... attends, parce que... Tête de Champlain. Quoi? Non, pas du tout. Non. Ah non, ils ont des vrais ah, masques. Hein. Regarde. Ah bah oui, je connais. Mais c'est pas trop comme ça qu'on les connaît, on les connaît ouais, plus. Ouais, non, mais ouais, je pense qu'à mon avis, ouais. On les connaît plus comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Ok, je vois. Et je y a, vois j'ai même lu qu'il y avait un concert où Mushroom Head est venu en Iowa. Ils ont fait un concert habillé comme Slipknot avec les mêmes masques. Ils ont crié Fuck Slipknot, Fuck Slipknot. Ah ouais. Donc ils sont un peu en colère, les deux groupes. Ah, ils sont en froid. Ce qui est un peu dommage parce qu'il y en a un qui a mieux marché que l'autre. Donc... Ouais, bah oui, c'est con. Bah, c'est peut-être pour ça qu'ils sont un peu en colère aussi. Peut-être. Donc voilà, un autre groupe, donc du coup, a plein de membres aussi, hein, et a plein de masques aussi. Exact. Du coup, parce qu'il y a plein de membres. L'idée de jouer masqué est d'un côté que les gens se consacrent plus facilement à la musique, ouais, et pour eux se lâcher plus. Voilà. Plus laissant libre cours à leur pulsion scénique. Ouais, parce que par exemple, il y a souvent, en tout cas au début, il y avait souvent des bagarres entre Sean Crane et le DJ Sid, mais ils se tapaient dessus. Et Corey a toujours dit que le masque lui permettait genre de relâcher quelque chose quand il chantait tel un animal. Cool. Ça fait plaisir. Le groupe se popularise en particulier grâce à l'apparition de leur premier album éponyme en 99. On s'en rappelle tous. Produit par Ross Robinson. Ah, sympa. L'album suivant, paru en 2001, est intitulé Iowa. Produit par Ross Robinson. Dingue. Je sais pas. Je vais vérifier. Assoit la popularité du groupe. Eh ben, c'est ce qu'il faut. Hein. T'en as Rod Veiler. Quoi? D'accord. Puis s'ensuit une pause où certains vont tenter l'expérience du groupe. Projet parallèle. Corey Taylor avec Stone Sour, Joey avec Murder Dolls et Sean avec To My Surprise. C'est bien produit par Ross Robinson, le deuxième. Bravo. Ouais. 2004, retour du groupe avec volume 3, The Subliminal Verse. Un album où, pour la première fois, des chansons sans distorsion. C'est acoustique, vrai. Quoi. J'ai pas dit balade, merde. Un peu quand même. Ah oui, d'accord. C'est un peu des balades. Mais je l'ai pas dit, mais c'est un peu des balades, quoi. C'est un peu des balades. 2008, quatrième opus, All Hope Is Gone. C'est vrai, tout l'espoir est parti. C'est ça. 2014, cinquième album, Five, The Grey Chapter. Ouais, donc le chapitre de Grey, comme Paul Grey qui est mort. Voilà. Et c'est en 2019, soit le 28 février, sur ses réseaux sociaux. Et je ne sais plus quand, sur cette antenne, que l'annonce du sixième album apparaît, à savoir We Are Not Your Kind, prévu pour le 9 août 2019. Et c'était le dernier groupe du Knotfest. Bravo! Bravo, bravo, bravo, bravo. Merci pour ces quelques mots sur Slipknot. Alors maintenant, passer la partie bio. Que peux-tu nous dire de ce groupe? Bah, moi, je trouve ça sympa. Ouais. Mmh. Hein, c'est bien foutu. Après, c'est vrai que moi, j'ai lâché un peu l'affaire quand, justement, le 99, hein, l'album éponyme, Slipknot, j'ai écouté que celui-là. Je me suis arrêté à ça parce que justement il y avait ce fameux engouement pour Slipknot et qui était encore un phénomène de mode comme il a pu y avoir pour Korn. Et moi, ouais, c'est quand j'ai lâché aussi dans les années 96, 17, je crois, quand, après Blind en fait. Ah oui, tu lâches de bonheur toi les... Bah, je lâche de bonheur parce que c'est tellement surmédiatisé que moi ça me gonfle et je suis pas fan de ce genre de truc. Je préfère découvrir après en fait. Comme Monson, c'est pareil, j'ai redécouvert 10 ans après. Non, t'as pas redécouvert. Non, mais attends, laisse-moi parler. Pardon. j'ai redécouvert, et voilà. On s'arrête là. Je suis un peu vexé, mais... Parce que tu m'as dit, attends, laisse-moi parler. Ah oui, d'accord. Ah bah, excuse-moi. Non, mais c'est parce qu'on est quand même... On fait une émission depuis 3 saisons, 24 épisodes. Et... C'est ça. Merde, je suis désolé. Non, mais je veux dire, ça fait... Je comprends que ça fait un moment que je te coupe la parole. Mais... Pourquoi attendre le dernier pour me le dire? Ouais, c'est vrai, ça. Bah... C'est vrai que j'aurais dû te dire de fermer ta gueule bien avant. Mais oui. Ah merde. Moi je me suis habitué. Donc ah bah c'est ça, tu vois. Et du coup, alors, en même temps, c'est peut-être mieux, justement. Ah bon? Ah bah ouais, la surprise, enfin, comme ça. Bah c'est bien joué, bien joué, bien joué. Tu vois? D'accord. Cool. Donc. Donc là, j'ai redécouvert Slipknot. Donc le côté balade me plaît un peu moins. Il y en a certaines qui ça passe. C'est pas trop mon truc. Certains morceaux énervés. Ben, je les trouve pas plus énervés que ça. Uh-huh. Je les trouve plutôt cool. Donc moi, ayant beaucoup écouté le premier album, tu t'attends à ce qu'il reste un petit peu sur la mouvance des mecs vachement vénères. Et quand tu découvres justement toutes ces balades et tous ces morceaux un peu moins énervés et plus chantés, parce que le premier album, c'est vachement gueulé quand même. Quoi. C'est vachement plus ouais, instinctif. Très, très énervé. C'est ouais, vraiment le côté très animal hein, du groupe en lui-même. Et du coup, c'est vrai que là, Corey se lâche un petit peu plus sur sa voix et c'est plus chanté que gueulé. Mm. Du coup, ça fait un peu bizarre quand tu redécouvres Slipknot comme ça. Mais au bout d'un moment, tu t'y habitues. Et tu te dis bah, qu'en fait, il a plutôt pas une voix dégueulasse. Donc ouais, non, c'est un très bon chanteur. Ouais, ça passe bien. Donc, du coup, Slipknot, ouais, je valide. Alors que oui, je validais pas il y a quelques années de ça, il y a très peu de temps, hein, je crois, c'était il y a 2 ans, ouais, où j'ai dit, ouais, non, Slipknot, ça me fait chier, machin, c'est trop... Il y a des passages cucu, tout ça. Mais à réécouter, en fait, ça passe bien, ou c'est peut-être parce que je mûris, que je prends de l'âge, de la bouteille, que je commence à devenir à l'âme. Possible, c'est possible. Est-ce que du coup, tu attends ce nouvel album Ah bah oui, oui. Ah, bah, ouais, ouais. Très bien. Eh bien, moi aussi. Ah, tu l'attends aussi? Oui. Je suis un peu, sur le principe des effets de mode, je suis un peu comme toi, sauf que... Ça m'empêche pas de quand même de suivre un groupe quand je l'aime bien. Enfin, en tout cas, toi, tu t'es arrêté que ça soit Korn et Slipknot, tu t'es vraiment arrêté au premier album. C'est très très bizarre. Mais je savais que j'allais les réécouter plus tard, mais en attendant que tu vois d'accord, que tout se tasse. Non, quoi. Mais c'est vraiment parce qu'en plus si tu les avais fait dans l'ordre, pour Korn, il y a vraiment un moment où t'aurais décroché. C'est vraiment, il est très. Oui, non, c'était sûr. Mais ouais, donc moi, Slipknot, bah, j'ai connu avec le premier album aussi. À l'arrivée en France, j'ai pris une grosse claque, j'ai trouvé ça... Ah oui, tout le monde, je pense. Ouais, je pense. Et du coup, j'ai vraiment suivi beaucoup le groupe, j'ai été le voir plusieurs fois en concert. J'ai re-suivi aussi avec Iowa, pareil, derrière. J'ai pris ma petite semi-claque de surprise avec le troisième album, où il commençait à faire justement des variations, en disant « Bah, c'est pas ce que je voulais. » Après, ce n'est pas ce que je veux, c'est pas forcément mauvais, mais j'ai... Ah, pas ce que j'attends de Slipknot, mais donc il m'a fallu un peu de temps pour mieux faire l'album. J'ai bien aimé ce que ça proposait dans un second temps, mais au début j'ai fait ah. Ah bah oui, c'est toujours cette petite réticence. Et après que ça soit le quatrième ou le cinquième album, j'ai eu un rejet à chaque sortie en fait. Ouais. Il y avait bien un titre ou deux que j'aimais bien, tu sais, mais dans l'ensemble l'album en lui-même, voilà. Aujourd'hui ça passe mieux, mais le quatrième, je sais qu'il y a des bons titres dessus et je le reconnais tout à fait. Mais Psychosocial reste un très bon titre et tout ça. C'est vrai. Et quant au dernier, bah, j'ai fait la remarque à la sortie de du single qu'ils ont sorti en moment d'Halloween. C'est dans le nouveau titre là. Oui. Dans les deux nouveaux titres. Et ben celui qui est sorti. Oh putain. Faut que je donne le titre. Faut que je vais le retrouver. Ça m'énerve. Ce que j'avais fait remarquer justement, que ce nouveau titre-là, je l'avais bien aimé. All Out Life. Oui. J'avais bien aimé parce qu'on ressentait à nouveau l'énergie de Slipknot, justement le lien avec la musique et les membres, et Corey et sa manière de chanter, ce que j'avais trouvé qui avait été perdu dans le cinquième album, où je trouvais qu'il était justement post la mort de Paul Gray, et que ça s'entendait en fait, que justement j'avais un petit peu l'impression qu'il était peut-être plus là contractuellement, en tout cas pas à fond dans son rôle, et que je trouvais qu'il y avait un décalage, et que c'est ce qui m'avait manqué dans tout l'album. Et que là, avec ces deux nouveaux titres, même si je préfère All Out Life que Unsaint, je retrouve quand même un peu un début d'énergie de ce que j'aime chez Slipknot, et surtout un début de tout qui est unifié, quoi, et qui marche bien. Donc j'avais beaucoup moins aimé le cinquième album, même si des potes autour de moi me disaient « Ah, mais il est bien, écoute-le !» Et en fait, ouais, et encore une fois, il y avait des morceaux qui marchaient bien, mais sur l'ensemble, c'était moins ma cam. Et là, par contre, les deux morceaux que j'ai entendus fait que je suis très, très, très impatient d'écouter ce nouveau Slipknot. Il était peut-être sur une des cinq phases de la mort. Peut-être. Et du coup, j'aurais dû attendre. En fait, quand j'ai vraiment écouté All Out Live, je me suis dit « Tain, mais il y a quelque chose !» Et c'est pour ça que j'avais été réécouté Chapter 5 et que j'avais dit « Ah bah oui, en fait, oui, c'est, tu, voilà. » Mais je dis pas que c'est pas normal, je dis, voilà, j'ai retrouvé, j'ai senti ça, c'est ma théorie. D'accord. Voilà. Et donc, je suis aussi très pressé de les voir au Knotfest la semaine prochaine. La vache, ouais. Donc voilà, c'est tout pour la partie Knotfest. On a terminé les 10 groupes. Donc maintenant, je te propose de passer aux 8 derniers groupes, à savoir la rubrique que tout le monde préfère, nos chroniques. Non, mes chroniques. Oui, tout le monde préfère mes chroniques. C'est vrai que tout le monde préfère tes chroniques. C'est qui commence ? Ouais, vas-y, je commence. Ok. Ok, pressé. Il faut terminer, là. Je vais aller me coucher. Ouais, c'est ça. Donc, moi, mon premier, c'était Chargotte. Chargotte qui joue le samedi sous la Temple de 11h05 à 11h35 face à Benan Metallic et Corritney. À noter aussi que Chargotte est le groupe qui jouait à beaucoup au culte. Elle a plus ça comme ça. Au culte ? Ils ont joué au culte pour la soirée là. Ouais, d'accord. Et on les a croisés. Ouais, l'année dernière, ouais. Plusieurs fois. Mais j'étais plus en invité. Bien sûr. J'étais en invité. Oui, oui, c'est tout simplement. Je vais tout simplement lire la petite bio pour commencer de la page Facebook. Tout simplement. Très bien. Débarqué tout droit de son monde cyberpunk, le monstre Chargotte est apparu dans le paysage musical français avec la subtilité d'un rouleau compresseur, aidé de ses shadows. Ses ombres. Comme les drouillises, tout ça. Le Chargotte cherche à organiser une immense fête et à dynamiter tout ce qui existe sur cette planète. C'est pas très sympa, quand même. Ça ressemble un peu au plan de Slipknot. Hein. Un peu, ouais. Ouais, ou de Mad. Ouais, un peu au plan de Bad, ouais. Ouais. Et de Venom. Aussi, ouais. Beaucoup de méchants, en fait. Mais tout est lié. Putain, la vache. Le groupe Electrometal Indus dévaste tout sur son passage, laissant derrière lui autant de traces de peinture noire que d'hématomes. Ayant assuré ses premières scènes auprès de nombreuses têtes d'affiche comme les déjantés Little Big, les incontournables Punish Yourself et les rois de la Dark Electro Ossico. J'en avais déjà parlé. Oh bah oui, je m'en souviens. Ah tiens, Ossico. Coxylam. Chargotte continue de faire parler de lui avec ses shows extrêmement énergiques, ses performances incluant costumes post-apocalyptiques et son métal martial aussi dansant, que percutant. Après avoir ouvert avec brio le célèbre festival du Mera Luna en Allemagne, je sais pas si tu connais. Non. Je les suis sur Insta, c'est pas mal. Ah bon ? C'est tout à fait dans l'esprit cyberpunk. Ah oui, d'accord. Un peu tu suis steampunk. Tu suis la page Instagram du festival ? Ouais, je crois, ouais. D'accord, ok. Ouais. Parce que j'aime bien les styles, il y a des styles vraiment hallucinants, quoi. D'accord. Dans ce truc-là, dans ce festival. Et sorti d'un nouveau clip particulièrement tranchant, le groupe revient en France finir la saison avec plusieurs dates et travaille actuellement sur un nouvel EP prévu en 2017, mais ça... C'est pas mis à jour parce que ils ont Deux albums, volume 1 et volume 2, The Advent of Shadows. Un EP, Break Your Body. D'accord. Voilà. Donc, du coup, ils ont des nouveautés par rapport à 2017. Oui, puis il y a même un clip qu'ils ont dû mettre sur un site porno. Break Your Body, sur un site porno. Ouais, parce que sinon il était censuré ailleurs, donc d'accord. Ils l'ont mis sur Pornhub. Ah ouais, ils ont d'accord. Fait tout un commentaire pour expliquer ça en anglais. Après, ils disent, bon, après, si vous tombez sur autre chose, ça, c'est pas notre problème. Oui, en même temps. Donc voilà. D'accord. Chargot, que dire ? C'est de l'électro, de métal, l'électro. Punk. Ouais. Voilà, c'est tout à fait dans l'esprit cyberpunk, hein, comme c'est précisé. C'est très bougeant. Voilà. J'ai regardé des vidéos justement de live pour vraiment me faire une idée. Ça envoie. Ouais. C'est pas mal. Après, faut aimer tout ce qui est un peu électro, mais. C'est la prédominance électro ? Non, pas vraiment, justement, je trouve, en live. C'est ça qui est bien, c'est que t'as plus vraiment l'impression de participer à un concert instrumental qu'électro. D'accord. C'est vraiment pas le. Et du coup, ça me fait un peu changer d'avis sur le côté catégorique, j'irai pas les voir. Quoi. Ah, parce que musicalement, t'as pas aimé, en fait, en gros ? C'est pas que j'ai pas aimé, ouais, mais je suis pas fan de ce style, ouais. Plus que ça. Après, ça me dérange pas, tu vois, comme on dit souvent, dans une compile, il y a un morceau, je vais pas le couper, je vais le laisser, quoi. Ouais. Mais je pense que de mon propre chef, j'irai pas écouter un album, acheter un album, tu vois, d'accord. Comme ça, quoi. Mais je pense que sur scène, déjà rien que scéniquement parlant, quand tu vois les mecs avec la gueule qu'ils ont, quoi, ça doit être juste énorme, quoi. Ça, je suis d'accord avec toi. Et, plus vraiment, ça passe sous la temple. Donc... Ouais, et même niveau pour les photographes, je pense que... Ouais. Là, il y a moyen de... Il y a de la matière, quoi. Donc, moi, ouais, il passe quand, tu m'as dit ? Le samedi, Temple, 11h05. Face à qui ? Banane Métallique et Coritney. Ouais. Banane Métallique, ouais. Donc, c'est un peu à l'opposé. Je sais pas. Banane Métallique, c'est toi qui l'as... Ouais, c'est du psycho. C'est les mecs sont grimés un peu ils ont des... style horreur, tout ouais, ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est français. T'avais bien aimé. Ouais. Ouais. Bah ouais, j'ai bien aimé, ouais. Ils ont trois albums, bah, c'est un peu dans le même esprit, tu vois, c'est, ouais. Bon, c'est plus vieux, quoi, Banane Métallique, mais bon, c'est à l'opposé, quoi. Il y a justement ces deux groupes qui sont intéressants à voir scéniquement, quoi. Bah ouais. Moi, je serais plus attiré par le psychobilly, parce que je préfère le psychobilly, mais scéniquement parlant, quand même, j'aimerais bien voir Chargot, quoi, voir ce que ça peut donner. C'est ça, Rod Twelfest, ça crée des dilemmes. Ouais. Je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai pas tranché encore. Peut-être mais... falloir t'y mettre, hein, c'est la semaine prochaine. Oh, dis donc. Non, mais je te signale juste, c'est la semaine prochaine. C'est gentil de me signaler. Je suis comme ça. Ouais, c'est sympa. D'accord, très bien. Est-ce donc, que voilà. Tu as d'autres choses à ajouter ? Non, j'en ai fini pour... Mais moi, je conseille pour... ouais, je pense, scéniquement parlant, puis même musicalement, je pense que ça peut le faire. D'accord. Sur scène. Ouais. Ok. Si on n'est pas trop branché... Regarder des vidéos de live. Bah, j'essaierai de regarder des vidéos de live. Alors. Ça peut aider. Très bien. Merci à toi. Oh bah c'est gentil. Ouais. Je vais donc passer à mon premier groupe qui est Slash featuring Miles Kennedy on the Conspirator. Oh ouais, dis donc, ouais. Ah bah, doucement, hein, s'il te plaît. Donc qui passe le dimanche en main stage 1. Ouais. Donc de 21h50 à 22h55. Uh-huh. C'est original, c'est un show de 1h05. Face à Cannibal Corpse et The Young Gods. Bon, alors, spoiler, hein, ce ne sera pas Cannibal Corpse que j'irai voir. C'est vrai ? Désolé. Donc, alors, c'est un peu compliqué de faire une chronique de Slash featuring, mais parce qu'ils n'ont pas vraiment de bio à eux. Donc, j'ai... Oui, c'est oui. J'ai, ouais. Donc, il y a des gens qui ne sont faits que pour faire une seule chose et que rien ne peut arrêter. Ouais. Prenons un exemple au hasard. Les Guns N' Roses, un groupe connu et reconnu autant pour ses phrases que pour ses morceaux, et dont les deux membres emblématiques sont Axl Rose et Slash, sans vouloir minimiser l'importance des autres membres. Axl Rose, hein, pardon ? J'entends bien. Axl Rose et Slash sortent un peu du lot, et même si aujourd'hui Axl Rose est le gardien du groupe, Slash a la chevelure longue et bouclée, chapeau haut de forme, jeu de guitare si particulier parce que reconnaissable à la première note, il ne s'est pas arrêté une fois le groupe... Il ne s'est pas arrêté une fois hors de ce groupe. Du coup, quand on est gratteux, soliste qui plus est, ce n'est pas si simple de rebondir et de ne pas devenir simple musicien dans un autre groupe. Ouais, qu'on aurait tendance à dire, bon bah, j'ai rejoint tel groupe, bah oui. J'ai rejoint tel groupe. Bah non. Et bien Slash, il s'en fout du coup. Il a fondé plein de groupes. D'abord en 95, alors que les Guns ne sont pas encore enterrés sous un parterre de roses, il crée Slash Snack Pit. Un super groupe avec les autres membres des Guns qui ont quitté Axl, avec certains morceaux qui auraient dû être chez les Guns, mais Axl les refusa. J'aimais bien cet album. Slash Snack Pit. Ouais. Mais je pense que tu vois, c'est pas anodin. Du coup, il forme ensuite Velvet Revolver en 2002 avec encore les ex-Guns et un ex-Temple Pilot, Scott Weiland, qu'on a déjà évoqué cette année. Puis vient le vrai passage en solo en 2009 où il invite tout le monde. Mais tout le monde. J'étais pas là, moi. Iggy Pop, Dave Grohl, Alice Cooper, Fergie, Nicole Scherzinger, Adam Levine, Chris Cornell, Lemmy, Ozzy et un certain Miles Kennedy. Et j'ai fait court sur la liste. Ouais. Il y avait encore beaucoup de monde. À savoir que Miles était le chanteur de The Mayfield Four et il est actuellement guitariste-chanteur de Alter Bridge. Et qu'il a aussi sorti un album solo l'an passé, The Eye of Tiger, un album semi-acoustique. Mmh, c'est des mecs qui bossent. 2012, sortie d'un deuxième album solo de Slash, Apocalyptic Love, avec Miles Kennedy au chant et à l'écriture. Et le début de ce qui deviendra The Conspirator. Dans le titre, Slash featuring Miles Kennedy en The Conspirator. Composé au de Todd Kearns à la basse et Brent Fitz à la batterie et aux percussions. 2014, second album du nouveau groupe avec World on Fire. Et en 2015, Slash annonce préparer un nouvel album, mais la reformation des Guns, oui, les vrais Guns, tout ça, tout le vrai Guns. D'accord. Et bien, le troisième album de Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirator, Living the Dream, est sorti que en 2018, avec un cinquième membre. Et troisième conspirateur, du coup, en la personne de Frank Sidoris à la guitare rythmique. Pour résumer, Slash est un mec qui ne peut pas s'arrêter de faire de la musique, un look et un style inimitable et un putain de faiseur de tubes. Assurément un super moment annoncé en main stage le dimanche à 21h50. En fait, c'est fou parce que tout ce que j'ai pu écouter de leurs trois albums, c'est bien. Tout était bien. Et tout était bien comme un groupe de main stage, de musique mainstream, je veux dire... Moi, par exemple, j'ai jamais aimé les Guns. Je sais pas, il y a quelque chose qui allait pas. Musicalement, je trouvais ça bien. Des fois, c'était la voix d'Axl Rose, ou des fois, c'était peut-être un peu trop cucu, quoi. November Rain. Enfin, ouais. Mais là, tout est vraiment top. J'ai même regardé un live pour voir ce que ça donnait. J'ai regardé tout le concert en entier. J'ai vraiment kiffé. Déjà, j'adore Miles Kennedy comme chanteur. Ouais. Mais les morceaux de Slash sont tous bons. C'est un putain de faiseur de tube, quoi. Donc, je sais pas combien il en écrit et il en fout à la poubelle, mais c'est fou. Ouais. Parce que c'est vraiment très bien, quoi. Ça passe super bien, c'est top. Alors, c'est vrai que sur scène, on a un peu l'impression que tout le monde est un peu en retrait de Slash. Ça sent pas vraiment le vrai groupe, ouais. Mais ça marche. Puis Slash a toujours son moment de solo et tout ça. Et puis, je sais pas, non, j'adore, quoi. Ça passe trop bien, quoi. C'est vraiment super, super bien. Ça passe bien en live aussi. Bah, je me doute, ouais. Ouais. Du coup, c'est en main stage à 21h50. Bon, il y a eu Young Guns que je chronique aussi plus tard, donc je dis pas tout de suite. Ouais, mais... Laisse le suspense. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Pour les avoir vus deux fois, ouais, moi j'ai bien aimé. Ouais. Ah non, mais. Ouais. C'est hyper efficace. Non, carrément. En fait, tu peux strictement rien dire de négatif parce que c'est. Je sais pas, c'est trop bien, quoi. En fait, tu vois, c'est le genre de truc, tu dis, bah, tu peux acheter un album les yeux fermés, quoi. T'es sûr que tu vas avoir des bons titres et que ça, en plus, c'est ni trop hard ni trop mou. Ouais. Donc voilà, nickel. Je recommande. Et en même temps, tu vois, c'est là où l'exemple est frappant, c'est que ça n'irait sur aucune autre scène. Ah bah oui, tu vois. C'est un groupe de main stage. C'est un groupe de main stage. Ouais. Voilà. Complètement. Et ils en remplissent bien en plus. Ah bah. Parce que justement, Miles Kennedy là. Ouais. Il bouge pas mal, et ouais, tu vois qu'il est... Puis il joue de la gratte aussi s'il y a besoin, donc il n'y a pas de soucis. Non, non. Non, non, ça, c'est top. Non, c'est des mecs faits pour ça. Ah ouais, c'est complètement fait pour ça. Ouais. Ouais. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, si juste pour finir, oui, du coup, oui, je pourrais acheter facilement un CD, quoi. Ouais, vraiment. Oui, on avait bien compris. Ah, pardon, excusez-moi. Non, non, mais je veux dire. Est-ce que tu as dit tout à l'heure? Ah, d'accord, bah, c'est parce que. C'était assez clair, quoi. Je veux dire, ça. D'accord. On avait bien compris que. C'est bien. Ouais. Non, franchement, c'était. Mais même toi, t'as dit que c'était bien, donc c'est que ouais. Tu vois, donc on est pas... Ah, ouais, non, complètement. Tu vois, c'est, ah non, sans, et pour autant, sans que ce soit genre le groupe de ma vie ou quoi que ce soit, juste, mais c'est bien. C'est bien, ouais. Ouais, c'est... Non, non, mais voilà. C'est efficace. Voilà. C'est tout. Je vous en prie. Merci fort. Donc, moi, ensuite, j'avais Tesla. Qui est le dimanche en Main Stage 1, de 12h50 à 13h30, face à Mesa et Revocation. Voilà. Donc, Tesla, qui est un groupe américain. De hard rock, heavy metal, blues rock. Donc, moi, de ce que j'en ai écouté, je pourrais éventuellement retirer le heavy. D'accord. Mais après, ça n'engage que moi. Donc, ils ont commencé en 84, jusqu'en 96, pardon. Une petite pause. Ils ont repris en 2000. Et ils continuent encore maintenant. Ah oui, parce qu'ils sont là. C'est ça. Donc voilà, c'est un groupe originaire de Sacramento en Californie. Voilà. Le groupe compte 9 albums à l'époque. Le dernier étant Simplicity en 2014, qui est faux. Parce que ça, c'est sur la bio, mais c'est pas mis à jour. D'accord. Donc le dernier n'est pas Simplicity, c'est Shock. Voilà. D'accord. Sorti en 2019. Ah, donc récemment. Ah, c'est ça. Voilà. Sinon, ils ont sorti 2 albums de reprises avec plein plein de titres. Ils ont fait plein de reprises. D'accord. Voilà. Donc, ils étaient considérés comme un groupe de glam. Ah. À l'époque, parce qu'ils tournaient pas mal avec David Lee Roth, Alice Cooper, Def Leppard, Poison. Ah, et ils ont été considérés comme un groupe de glam. Ils ont été assimilés, en fait. Avec voilà, c'est ça. Et eux, ils voulaient pas. Bah non. Ils n'étaient pas d'accord. Ils levaient le poing en disant non, nous ne sommes pas un groupe de glam. Regardez, on n'a pas de maquillage et les cheveux longs. On n'a pas les cheveux longs et frisés des années 80. Donc voilà, pas grand chose à dire hein, sur ce groupe. Hein. Après, dans la bio, il y a beaucoup de leurs albums, leurs tournées. Rien de bien notable. Hein. C'est un groupe qui s'est arrêté, qui a repris. Voilà, et qui ont refait un album. Donc je pense qu'ils vont. Ils veulent continuer, tout simplement. Hein, ils veulent revenir sur le devant de la scène. Exactement. Voilà. Qu'en dire, c'est pas ma cam, c'est hard rock. Ouais. Tu vois, vraiment, le hard rock, moi... Autant le heavy, ça passe, mais le hard rock, j'ai carrément du mal, quoi. D'accord. C'est les voix, c'est trop criard, et ouais. Moi, ça passe pas. Les mélodies un peu trop... les petits riffs un peu trop ciselés dans les aigus, tu vois. Et ça, moi, non. Ça, non. Ça me parle pas. Hein. Non. Ah, du coup, Tesla, j'irai pas les voir. J'irai pas acheter un album non plus. Oh, ça, bah, c'est sûr. C'est réglé. Donc, ça sera plus Mesa ou Revocation ? Alors là, par contre, je pourrais pas te dire. Voilà. C'est toi qui as dû faire Revocation. Ouais. Mesa, je sais plus. C'est Mesa. Non, c'est pas moi aussi, ça. C'est possible. Je... C'est moi ou toi ? je me mouille pas. Tu sais, je. Ouh. Donc voilà, et bah, c'est du hard rock, hein, Tesla. C'est vraiment. Alors, tu trouves-tu Tu trouves que tu. Ouais, ça me parle, étrangement. Ah bah, ça doit être toi alors. Ouais. D'accord. Donc Tesla, non. Tesla, non. D'accord. Non, non. Je suis pas fan de hard rock et c'est vraiment du pur hard rock. T'es presque FM, tu vois, des années 80, tu vois, c'est vraiment un truc, c'est tout à fait ça. Donc voilà, moi ça ne me parle pas et je n'irai pas les voir. Ah, tant pis pour eux. Je suis désolé pour eux. Ils verront pas là-bas. D'accord, très bien. Eh bien, merci. Mm. Je vais passer à mon second groupe, qui était un groupe attendu pour ma part, à savoir Diamond Head. Qui passe le vendredi. En tempo, oui, de 16:45 à 17:35 face à The Empty Raptor et Demons and Wizards. C'est vrai que c'est surprenant un peu de les voir sur la tempo. Ah, petit coup de mou, tiens. Ouais, bon, c'est la fin, c'est la dernière, ça y est. Ah, tu fatigues. Je suis au bout. C'est normal. Donc Diamond Head est un groupe de heavy metal britannique originaire de Stourbridge en Angleterre. Non, pas de point GO cette semaine, c'est la dernière, j'en ai marre. Formé en 76 par des amis d'enfance, le groupe fait bien sûr partie de la New Wave of British Heavy Metal et va fortement influencer Metallica et Megadeth. D'ailleurs, Metallica reprendra au moins 5 titres du groupe. chanson qui figure sur le premier album, mais pas que, parce que j'ai pas tout compris sur les albums de Diamond Head, tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc, quand je parlais d'amis d'enfance, je parle de Brian Tatler à la guitare solo, et toujours présent dans le groupe, et Duncan Scott à la batterie, qui quittera le groupe en 83. Le nom s'inspire de l'album... Ah oui, donc c'est des potes, quoi. Les mecs, c'est à la vie à la mort, quoi. Bah, non, c'est des potes qui ont fondé le groupe, et après, bah, ils sont séparés, quoi. Ça arrive dans toute association, mec. Pas ça être des potes, moi. Ça arrive dans toute association. Il a été créé en quelle année, le groupe ? En 76. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc, non, ouais. D'accord, ok. Le nom s'inspire de l'album homonyme de Phil Manzanera, dont Tatler, possédait un poster accroché dans sa chambre. Cool. Parce que Diamond Head, tête de diamant. Bon. Le groupe est rejoint par Sean Harris au chant et Colin Kimberley à la basse, qui finiront tous deux par quitter le groupe à un moment ou l'autre. Ouais. Important de le dire. Après une première démo autofinancée, le groupe décroche des concerts sympas avec AC/DC et Iron Maiden. À l'époque, c'était peut-être plus facile. Mais malgré de nombreux labels qui s'intéressent à eux, aucun contrat n'est signé. Donc, apparemment, d'après ce que j'ai compris, la mère d'un des deux membres fondateurs était aussi un peu leur agent et peut-être que c'est de leur faute, sa faute à elle. Peut-être. En 80, premier album, Lightning to the Nation, donc là où il y a déjà les 5 morceaux repris après par Metallica. 1982, second album, Borrow Time, avec une 24e place atteinte dans les classements britanniques. Il remplace même Manowar au Reading Festival de 82 et commence à décrocher de très belles dates. Donc là, ils sont sur une pente. C'est vrai. Ça grimpe. Pas savonneuse du tout. Ça grimpe. 83, on part sur un album plus expérimental avec Canterbury. Et c'est là que s'arrête le succès. Et si c'est pas ? D'abord parce que les 20 000 premiers pressages vinyles ont un problème. Super. Et ensuite parce que les fans détestent leur nouvelle direction. Oh merde. Ouais, ça puce. Alors là, attention, parce qu'on va bientôt arriver à un passage très particulier de la carrière du groupe. C'est pour les enfants ou... Non, c'est un truc que t'as jamais entendu de ta vie. 84, quatrième album solo intitulé Flight East, mais qui n'est jamais paru. C'est pas ça. Hein ? C'est pas là ? Non, c'est pas là. Ah, d'accord. Première, ses réparations. Et pendant ce temps-là, sortent en 86, Behold, The Beginning, un best-of. En 87, Am I Evil, un autre best-of. 88, Sweet and Innocent, un autre best-of. 92, Single, un autre best-of. Heureusement, 92 est arrivé. Et là, c'est un live qui sort. I like les best-of, en fait. 93, Death on Progress. Quatrième album avec l'aide de Tommy Yomi et Dave Mustaine. Tandis que de leur côté, Metallica ne cesse de dire l'amour qu'ils portent au groupe en les prenant en première partie et jouant avec eux leurs titres lors de certaines dates. 94, seconde séparation. Et sortie d'un nouveau live. 99, petit best-of. Ça manquait. 2000. Bah, un petit live. Et un best-of. Et quelques concerts du groupe. Donc c'est 2005, All Will Be Revealed, cinquième album. 2007, What's in Your Head, sixième album. Et 2016, le retour en grande pompe avec un nouveau chanteur. Et c'est l'album Diamond Head qui commence la remontée fantastique du groupe. Confirmation cette année avec la sortie de The Coughing Train. Qui est un live best-of. Non, que le dernier album du groupe. En résumé, Diamond Head, c'est un groupe mythique de la New Wave of British of Heavy Metal, un guitariste soliste fondateur toujours présent après plus de 30 ans, 7 albums studio, 6 best-of, plusieurs lives, plusieurs membres et l'appui des fans de la première heure, que ce soit Metallica ou Megadeth. C'est un groupe référence qui marquera à coup sûr de son passage sous la Temple vendredi vers 16h45. Et donc, qu'est-ce que je dois en dire ? Alors moi, c'est très particulier parce que j'ai passé en fait beaucoup de temps à écouter les morceaux que Metallica a repris. le gosse. C'est comme en plus, ils ont plein de best-of. En fait, je retombais toujours dessus. Ah oui, t'en as pas fait exprès, en fait. Au début, un petit peu, parce que c'est pour ça que je comprenais pas. Les 5 morceaux, ils disaient qu'ils étaient marqués sur les premiers albums. Mais en fait, moi, je les ai retrouvés dans plein d'albums différents. D'accord. Tu vois, donc c'est pour ça que j'ai dit, mais qu'est-ce que cette merde ? Je comprends pas. Parce que c'est pas marqué forcément best-of partout. Ouais. Donc. Alors, j'ai quand même écouté les deux derniers albums qui sont... Alors, le dernier album est très bon. Ouais. Ils ont su quand même un petit peu évoluer et changer. Donc, on retrouve les... Parce que c'est quand même du vieux heavy metal. Hein. Ça marche toujours, mais ça reste du vieux heavy metal. Ah ouais, ça a son charme. Ah ouais, non, mais j'aime beaucoup. Et du coup, ça me faisait aussi à chaque fois un petit truc quand je reconnaissais les morceaux. Mais... Donc, le dernier album et l'avant-dernier sont très sympas. J'ai réécouté plusieurs fois certains titres. J'ai bien aimé Diamond Head. J'ai pas eu autant un coup de cœur que pour Death Angel. Mais j'ai bien aimé. Je pourrais continuer d'écouter. En même temps, il n'y a que 6 albums, donc j'ai pas trop à me fouler. Ouais. Après, ça passe face à... Donc, alors, j'ai dit face à qui ? Face à The Interrupter et Demon and Wizard. Il y a quand même des chances que j'aille les voir Diamond Head. Je serais plus ce Diamond Head. J'irai pas forcément m'acheter un album. J'aime pas forcément à ce point-là. Mais je pourrais aller les voir. Et pendant ce temps-là, Bob, bye. C'est pas la première fois, je peux vous dire. Ça fait au moins 2-3 fois déjà. Le mec est en train de lâcher. Quoi. C'est la fin, c'est la fin. Voilà. Donc, Diamond Head, c'est très bien. Je recommande. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as un bel enfoiré. Comment tu peux entendre ce que je dis ? J'ai dit dans le micro. Je me suis caché la main. Enfin, attends. Je me suis caché la bouche. J'avais quand même fait ça. Normalement, tu peux pas lire sur mes lèvres. C'est vrai que normalement. Ah. Non, mais je suis un. Un autodidacte. Ah, t'entends dans les bouteilles. J'entends la mer. C'est bizarre. Donc voilà. Tu peux passer à ton troisième groupe. Au fait, une fois qu'on aura fait les quatre groupes, on fait quoi ? Est-ce qu'on peut plus. Plus de groupe à piocher ? Bah oui. Bah, va falloir faire autre chose. D'accord. Je sais pas, on va trouver. Ok. Donc, mon troisième groupe qui est Arabrot. Qui passe dimanche sous la vallée de 16h à 16h40 face à Clutch et Vomitory. Allez, c'est mort, Arabrot, abandonne. Ça a déjà perdu d'avance. Alors, Arabrot qui est un groupe norvégien. Alors, j'ai pas beaucoup de. J'ai pas trouvé énormément de choses sur Arabrot. Pour bah. Dire, c'est un peu. Je pense que j'ai la palme, moi, tout à l'heure. T'as quoi ? J'ai la palme de pas grand-chose. Ah oui, oui. Oui, mais t'as réussi à tenir quand même pas mal. Hein. Ah non, pas là. Là. Tout à l'heure, tu vois, j'ai tenu le maximum que j'ai trouvé. D'accord. Donc oui, Arabrot, oui, j'ai pas grand-chose. Hein. Mis à part le fait que ce soit un groupe norvégien, que le chanteur, le frontman du groupe s'appelle Gentil Nerns. Voilà. Pas grave. Ils ont de mémoire, même pas de mémoire parce que je l'ai là, 10 albums, dont un de titre en 2019 d'une durée de 44 minutes. Deux titres. Waouh. Et un 4 titres en 2009 d'une durée de 50 minutes. 40 environ. Minutes et ils peuvent le faire. Ouais. Ah ouais, non, ils sont larges les mecs. Donc, que dire sur Arabrot ? Mais bah, part, faut c'est du temps. Assez strange. C'est de la musique un peu schizo. Ouais. Ils ont commencé par une espèce de punk un peu schizo, très barjo. Mais même les trucs, le côté punk est long comme ça ? Non, les albums sont. C'est plus des albums de 10. D'accord. Je crois qu'il doit y avoir un 14 titres max. Et grosso merdo, ça vacille autour de 9-10 titres de chaque album. Ouais. Ouais, non, c'est, ils ont des morceaux. Voilà. Ça m'a fait tout à fait penser aux mêmes musiques, un peu dans la même veine que ce que j'ai écouté, la Canadian Song. C'est du punk un peu schizo, un peu. T'as l'impression que c'est sorti d'un hôpital psychiatrique, c'est très, très très barge. D'accord. Avec des répétitions, des riffs très lourds et très, très répétés. Ouais. Tu vois, avec des paroles répétées aussi, donc c'est un peu barge. D'accord. C'est un peu barge et moi j'aime bien. D'accord, donc t'as bien aimé. J'ai bien aimé, ouais. Ouais. Alors par contre, j'ai pas aimé tout. J'ai pas aimé tous les albums, j'ai vraiment aimé la première période. J'arrive plus à me rappeler du nom du groupe qui ont fait Canadian Song. Je m'en rappellerai. Je peux l'avoir. Je cherche, mais je ne trouve pas. Je ne sais pas du tout de quoi il parle. Si. Quand je vais te dire, tu vas me dire, ah, mais oui, c'est eux. Ouais, mais ça, c'est moi. Hein, je m'en rappelle. Ah, d'accord. Ah, mais si, c'est eux. Voilà. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Merde. Attends. Un podcast artisanal, hein, quand même. Mais complètement. Tout est préparé en direct. Voilà. Je ne l'ai pas. C'est super. C'est pas Coil Guns. C'est pas Coil Guns ? Non. C'est Canadian Song, tu dis ? Ouais. Je tapais Canadian Song. Vas-y, tape. Il faut que j'ai un résultat qui correspondrait à Canadian. Je me demande si c'est Vaucolgun, justement. J'ai un doute. Canadian Song, Canadian. Trent, il serait là, il pourrait me le dire. Pourquoi? Pourquoi Trent, il connaît? Ouais. Il connaît quoi, Cold Guns ou... Je me demande, c'est pas Cold Guns, ouais. Écoute, je vais voir sur la page de Cold Guns, j'ai pas eu la réponse. Regarde dans. Au pire, dans. Spotify. Bah, je suis dans Spotify. Ah ouais? Bah. C'est pas Daughter? Ah bah si, voilà. Tu l'as. Je l'ai même pas trouvé. Putain, les mecs, il faut vraiment que je fasse mon running order. Sinon, je suis dans la merde. Donc, c'est Daughter, voilà. Et c'est un peu dans cet esprit-là. D'accord. Au début. Après... Canada Song. Et qu'est-ce que j'ai dit? Canadian Song. Ah bah voilà, Canada Song. Non, mais comment je peux bosser avec des professionnels? C'est ça, bah ouais. Je suis obligé de lui trouver les groupes qu'il a écoutés. Ouais, donc voilà. Bah, c'est un peu dans cet esprit-là. Complètement barge. Pour ça, et là, du coup, je comprends mieux pourquoi Trent peut t'aider. Voilà. Parce que Trent a beaucoup aimé Daughter. C'est ça. Daughter, qui est un groupe que tu iras peut-être voir. Ouais. Parce que j'ai bien aimé. Voilà, tout est lié. Et donc, c'est du ça. Coup, Arabrot. Bah Arabrot, alors c'est pareil, le dernier album qui est Dine Nibelungen, désolé pour la prononciation, le fameux deux titres qui dure 45 minutes. Uh-huh. Non, bah 45 minutes c'est trop. Ça n'a strictement rien à voir, enfin, t'as plus l'impression qu'ils ont voulu expérimenter un truc. D'accord, bah c'est bien. Voilà, quand t'écoutes. Donc par exemple, un album que j'ai pas spécialement apprécié parce que je l'ai trouvé un peu trop normal justement comme album, c'est The Gospel. Pardon, excusez-moi. Voilà, le mec éternue. Alors que... Wow. J'ai bien aimé leur premier. Oh, c'est la côte. Qui doit être. T'en as ramené. Ah bah, The Proposing a Pact with Jesus. D'accord. Voilà. Tu as un an. J'ai un an. Celui-là, tu l'as pas aimé, celui-là. Non, si, justement. J'ai rien compris. Celui-là, je l'ai bien aimé. Non, c'est The Gospel en fait que j'ai pas plus accroché que ça. D'accord. Voilà. Et j'ai bien aimé Revenge aussi. Donc, le 4 titres est assez barge aussi. Enfin, c'est, voilà, je pense que les mecs. Il y a un univers complètement à Arabrot. Mais voilà, faut être très très ouvert musicalement. Tu vas faire comment alors? Bah, justement, c'est le truc, c'est que je vais certainement aller voir ce que peut donner Clutch. En bas stage. En main stage. Et si ça me plaît pas, je fonce direct voir Arabrot. Ah, quand même! Ouais. Waouh! Ouais, parce que ça m'intrigue de voir ça sur scène. Waouh! Ouais. Ah bah là tu me trous le cul là. Au sens figural. Ah oui, d'accord. Oui. Ah oui, pas au sens propre. Non. Parce que c'est pas très très non plus. Parce que je. Et du coup voilà. D'accord. Ah bah. Mais est-ce que tu recommandes? Alors pour une oreille un peu voilà. Avertie. Avertie complètement. Ouais. Hein. Faut y aller avec des pincettes. C'est ça, voilà. Faut pas se dire allez j'ai écouté quelque chose de funny. Ah bah non, c'est pas. Faut pas genre écouter Slash, Miles Kennedy, de Conspirator et après Arabrot. Arabrot, non, c'est pas du tout. Ah. Ça va pas matcher. J'ai écouté quasiment tous les albums, il y a que deux albums que j'ai pas écoutés. Alors question, est-ce que t'as tout écouté pour le podcast ou t'as écouté en plus parce que t'aimais bien? En fait, j'ai écouté parce que j'ai écouté trois albums au début. Ouais. Et je me suis dit putain, mais ça n'a rien à voir avec. Il y a toujours un univers, enfin ça change à moitié. Ouais. T'as une espèce de chanson un peu style. Tu sais, les vieux films où c'est très sombre et t'entends une petite musique au gramophone, tu sais. Ouais. Un truc un peu récurrent, un peu redondant, c'est un truc très, un peu flippant, tu vois. Un peu flippant, ouais. Voilà, en arrière, puis t'entends un vieux téléphone sonner, enfin, tu vois, c'est... Il y a une ambiance, tu vois. Une ambiance, ouais. Il y a vraiment une ambiance, et du coup, je sais pas, ça me parle, moi, j'aime bien. C'est... Ouais, t'as un côté un peu schizo, un peu malade mental, tu vois, qui me plaît bien. Bah, d'accord. Voilà. Ok, c'est noté. Très bien. En fait, c'est pour ça que j'ai écouté un max d'albums. D'accord. Pour l'instant, ça ressemble un peu à ce que tu aurais le plus aimé de cette semaine. Ouais. Écoute. C'est bien. Pas faux. Bah, merci, t'as toi. Bah, non, mais c'est moi de m'avoir donc invité. Donc, je vais passer à mon troisième groupe, Nova Twins. Nova Twins, dis-moi tout. Bah, attends, je fais une petite aparté. Du coup, est-ce que tu pourrais acheter des albums? Non, je pourrais pas acheter des albums non. Parce que je sais que je pourrais pas les écouter. Tranquillement et que bah Sur le principe, tu pourrais, mais tu sais que je pourrais, ouais, ouais, je pourrais acheter des albums parce que j'ai acheté d'autres albums que je ne peux pas écouter, malheureusement, autre qu'en bagnole quand je suis tout seul. Voilà. Ou à la maison. C'est pas forcément des albums de tous de bagnole. Ça, non, non, non, c'est plus vraiment des albums de pas bagnole. Très bien, merci, excuse-moi, donc je reprends. Donc mon troisième groupe, Nova Twins. Nova Twins, qui passe le dimanche en Main Stage 1, de 11h40 à 12h10, face à Psychroptic et Gold. Qui sont deux groupes que j'ai dû chroniquer. C'est cela même. Donc c'est ce groupe-là qui va être très court. D'accord. Pas de bio, rien, que dalle. Ok. Donc Nova Twins, le seul truc que j'ai trouvé, c'est Nova Twins, c'est un duo féminin de South East London, composé de Amy Love au chant et à la guitare, et Georgia South à la basse, qui officie dans un genre qu'ils ont inventé, le urban punk, qui pour l'instant n'a sorti que 3 EP et à chaque fois toujours plus d'énergie, ce que l'on pourra découvrir dimanche matin en Main Stage 1 dès 11h du matin. Voilà tout ce que j'ai à peu près trouvé sur le groupe, donc je suis assez surpris qu'on qualifie ça de urban punk, parce que pour moi le punk ça vient déjà un petit peu de la rue. Complètement de la rue. Donc bon... C'est un petit... Mais bon, j'ai compris le côté urban pour faire référence un peu au hip-hop. Et donc là, on est face à un groupe, je trouve, qui va être un peu l'antithèse de mon avis sur Aurore de l'année dernière. Ouais. C'est-à-dire que je n'avais pas aimé Aurore et Dalek parce que je le reprochais un petit côté trop hip-hop présent qui n'avait pas lieu d'être. Et en fait, je vois bien avec Nova Twins, je vois bien avec ce qu'ils proposent, qu'il y a un côté hip-hop, un côté rock. Je dirais pas punk, moi, mais alors le urban punk, c'est une version d'un truc hyper aseptisé. Mais pourtant, bourré d'énergie, musicalement super sympa et super truc. Et ça m'a fait vraiment un peu le même effet qu'Aurore. Mais Aurore avait un petit côté, je dirais peut-être un petit côté décalé, glauque, un petit côté décalé, plus malsain. Ça faisait un petit côté sale chez Aurore. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est hyper solaire, hyper musical, hyper joyeux. Mais du coup, j'ai énormément aimé ce que j'ai écouté, étonnamment. Donc ça me faisait l'effet inverse. Par contre, je trouve ça autant très bien que ça passe en main stage pour eux, autant j'aurais voulu les voir sur une petite scène. Parce que je pense que j'aurais plus en profiter que là, à 11h, un dimanche, enfin 11h40, un dimanche, il va y avoir déjà beaucoup de monde et ça va être moins sympa, mais parce que musicalement, c'est hyper péchu, c'est hyper... c'est vraiment bourré d'énergie avec des trucs... Ça reste assez hip-hop, mais avec un petit côté rock à chaque fois, mais c'est léger, hein, c'est jamais trop l'un, c'est jamais trop l'autre. C'est pour ça que Urban Punk, je comprends pourquoi ils ont voulu le dire, mais c'est pas forcément ce que j'aurais dit. Ouais. Je vois pas trop ce que j'aurais dit, mais parce que l'un et l'autre sont pas spécialement vrais, c'est ça que tu veux dire. Ouais, voilà, ouais, c'est pas punk pour dessous, je veux dire, à aucun moment tu fous ça en Warzone, hors de question, mais je comprends que ça passe en main stage, mais je pense que ça aurait quand même pu passer en vallée pour autre chose, pour d'autres raisons. D'accord. Voilà, pour le... ouais. Pas forcément pour un côté planant et tout ça, parce que c'est quand même énergique et tout ça, mais tu vois, de la même manière qu'Aurore justement est passé en vallée, alors qu'ils auraient pu passer aussi en main stage. Ils auraient pu passer en Warzone aussi. Toi, donc. Parce que l'énergie qu'ils ont balancée, ils auraient pu la balancer en Warzone, ça aurait pas choqué du tout. Donc, c'est deux filles, et ils ont un batteur avec elles en live. Ouais. Et ouais, en vrai, alors ça passe avec Psychoptric et Gold. Bon, là, ça m'arrange parce que j'ai un trou de mémoire rapide sur les deux autres. Donc, j'aimerais bien voir Nova Twins parce que je voudrais voir ce que ça donne en live. D'accord. De voir les deux gonzesses comme ça. J'ai envie de voir ce que ça peut donner parce que je pense que ça peut déchirer, quoi. En plus, j'ai tombé sur une interview où on leur avait demandé « Alors, ça vous fait quoi d'être en première ?» Enfin, sur une grande scène, dans un autre concert par rapport à Hellfest, à une grande scène, et du bon, que ce soit petit ou grande, on y va et on... Les gens, ils vont forcément prendre des sons de guitare dans la tronche, des retours de basse aussi. Donc, elles ont peut-être l'esprit punk, bah, défaut d'avoir musicalement. Même j'en ai mis tout à l'heure à un moment donné. Future. Oui, non, j'ai capté. Ouais, et... J'ai bien capté, je me doutais que c'était Nova Twins. Mais t'as vu, c'est pas du tout. Ah oui, non, mais c'est. C'est pas urban punk, c'est. Non, c'est un entre-deux, mais c'est cool, il y a une petite énergie sympa. C'est... Le terme de solaire est. Eh bien. Eh bien. Ouais, ouais, c'est ça, c'est vraiment, ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que ça me fait penser. Donc, mais par c'est contre, pas c'est. Vrai... Ouais, non, c'est pas. Non, c'est pour ça, c'est ni trop l'un, ni trop l'autre. Ça passe bien. C'est vrai que si je devais réfléchir plus longtemps, je pourrais me demander si ça a vraiment sa place en soi au Hellfest. Mais j'ai bien aimé, donc je me la pose pas. Tu vois, on en revient à des trucs un peu. On s'est posé la question avec Aurore l'année dernière. Et avec Dalek. Dalek, j'ai pas été voir, mais Aurore, je me suis posé la question. J'y suis allé par curiosité. Oui. Je suis resté d'un bout à l'autre, j'ai pas été déçu. Maintenant, je me poserai plus la question, je fais confiance. Voilà. Donc, c'est un peu l'idée. Après, voilà. Moi, ce qui m'embête un petit peu, enfin, ce qui m'embête, oui et non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que les main stage, c'est des groupes mainstream et compagnie. Je dirais pas qu'ils sont ultra mainstream, c'est surtout en fait qu'ils ont que 3 EP de sortie. Mais c'est encore un jeune groupe, tu vois. Ouais. Pourtant, ils sont déjà propulsés là, donc tant mieux pour elles, c'est cool, on va pouvoir les voir. C'est peut-être justement, ils sont dans la bonne phase. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Donc, ouais, non, je suis assez partant pour aller les voir. Ouais. Voilà. Merci à toi. Oh, c'est un plaisir. Bah, écoute. Et on arrive déjà à ton dernier groupe, Bob. Eh mais ouais, c'est moi. Donc, ton 80e groupe. C'est ça. Bonsoir. Mon 83e groupe, qui est un groupe qui a été rajouté suite à un désistement. Alors, je ne sais plus de qui. Bon. Mais de toute façon, ils ne sont pas là, donc les absents ont toujours tort. Exactement. Et ce groupe, c'est Acid King. Qui passe le dimanche sous la vallée de 17h40 à 18h30 face à Immolation et Stone Temple Pilot. Ok. Oh, un choix cordé, hein. Qui plus est. Acid King, donc, qui est un groupe américain de stoner metal, doom metal. Ok. En activité depuis 93. C'est pas un jeune groupe. Et donc voilà. Originaire de San Francisco, en Californie, formé en 93 par la front woman Lori S, le batteur Joey Osborne et le bassiste Peter Luca. Acid King a depuis lors enregistré 3 albums studio et 3 EP et différents avec différents bassistes. Parce que les autres restent, mais les bassistes se barrent. Ça arrive. Un peu comme les batteurs dans... Donc voilà, le groupe est... Ouais, aussi, ou dans Spinal Tap. C'est vrai. Donc le nom du groupe est inspiré par le livre Say Your Life Satan. Il est tiré du personnage de Ricky Caso, surnommé The Acid King, qui commit un meurtre d'inspiration satanique en 84 à Northport, à New York. Faut pas faire ça. Non, je sais bien, mais bon, je pense qu'à mon avis, il a dû se... Faire taper se sur repentir. Le doigt, dis, oh, dis donc, tu recommences pas. Ok, je recommencerai pas. Ah bon, bah c'est bon alors. Voilà. Acid King joue initialement quelques concerts avec des groupes comme The Melvins, The Obsessed ou Hawkwind. Oh. Avant la sortie en 94 de leur premier EP, le groupe est présenté dans 2 livres, The Encyclopedia of Heavy Metal et le A to Z of Doom, Gothic and Stoner Metal. C'est du titre à rallonge. C'est un peu long. Tous deux publiés en 2003. Le groupe change fréquemment de formation, puis enregistre 2 EP et 3 albums jusqu'en 2006. Voilà. Avec 9 ans d'inactivité, au printemps 2015, le groupe publie son 4e album studio, Middle of Nowhere, Center of Everywhere. Voilà. Bien, les noirs. D'accord. En juillet 2015, ils annoncent leur première tournée américaine en 9 ans. Quand même. Quand même. En juillet 2016, ils annoncent leur toute première tournée en Nouvelle-Zélande. Et bah pourquoi pas ? Je sais pas pourquoi. Voilà, fortement influencés par les genres traditionnels que sont le doom metal et le rock psyché, le groupe a développé et consolidé au long de sa carrière un style musical distinct. Ce style est caractérisé par un tempo lent, des riffs de guitare sous-accordés et fortement saturés, le tout complété par un chant féminin hypnotique. Ça fait un mélange. Et là... Tout est dit, je n'ai rien d'autre à ajouter, c'est exactement ça. D'accord. Vraiment, c'est vraiment exactement ça. C'est assez planant, la voix justement de la nénette est assez hypnotique, ouais, comme, ouais. Comme ils disent. C'est pas désagréable à écouter, je crois que j'ai dû les voir de loin une fois, et j'étais resté dans l'herbe au loin à les écouter. Ouais. Et ouais, c'est vraiment ça quoi. Quand t'es allongé dans l'herbe et que tu les entends, tu te laisses complètement aller. Quoi. Et c'est ce qui m'était arrivé. Et ouais, c'est vraiment planant, c'est bien rock, c'est bien lourd. Ouais. Mais en même temps, ouais, t'as ce petit côté un peu léger, aérien du chant féminin qui marche bien, qui apporte le tout. Voilà. D'accord. Ça balance bien, ça contrebalance bien les riffs doom et le... Donc ouais, c'est un bon mix. C'est un bon mix pour un bon groupe. Donc t'as bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé, ouais. Ok. Donc du coup, tu irais les voir? Volontiers. Donc, tu n'iras pas voir Immolation. Non. Merde. Non, je sais, je vais te décevoir, mais je pense que je vais plutôt aller voir Acid King. Hein. D'accord. Ouais. Est-ce que tu achèterais des CD ? Comme ça, non. Je les écouterais volontiers sur Spotify, par contre, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais une fois de plus, je ne trouverai pas le moment pour écouter la musique en CD. En bagnole, c'est toujours pareil. C'est compliqué. Je peux pas écouter du Acid King en bagnole. À moins d'être arrêté dans un petit chemin avec des potes. Et d'envie de finir dans un champ. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais aussi long, non. Eh bien, très bien. D'autres choses à ajouter ? Non, non, non. Bon, bah, très bien. On retiendra une voix hypnotique. C'est ça. Des riffs lourds. Et des riffs lourds. Voilà. Pour un Doom Stoner. Bon, bah, je passe à mon dernier groupe, le 80e, avec The Young God, également un groupe qui a été rajouté. Voilà. Donc. Qui passe le dimanche sous Valley de 21h50 à 22h50 face à Cannibal Corpse et face à Slash Feet Miles Kennedy. And the Conspirator. And the Conspirator. Alors, The Young Gods, ça a été un problème pour moi. Je vais essayer d'expliquer pourquoi sans trop défaillir. Pourquoi je... Oui. The Young Gods, ou les Jeunes Dieux, est un groupe de rock électronique suisse, originaire de Genève, formé en 85 et qui comprend Franz Tretscher au chant, également principal compositeur et unique membre stable de la formation, César Pizzi au sampleur et Frank Bagnou à la batterie, mais qui quittera le groupe avant la sortie du premier album, remplacé alors par Urs Jus Jestent. Leur musique est alors construite à partir d'une multitude de courts emprunts à l'histoire de la musique enregistrée. Fait amusant, je n'ai rien compris à la phrase. Fait amusant, le nom du groupe est également samplé sur le titre du deuxième EP de la formation new-yorkaise Swamp. C'est très... Voilà. Okay. 87 voit la sortie de leur album éponyme qui est sacré disque de l'année par Melody Maker, une ancienne revue spécialisée anglaise et reconnue aujourd'hui comme l'une des pièces maîtresses du rock électronique des années 80. Mais ça, tu le savais déjà. Ah non, complètement. Mais j'allais te le dire, justement. Et je ne l'ai pas retrouvé, cet album, moi, sur... sur Spotify. Dommage. 89, second album, L'eau rouge, celui-là je l'ai écouté, et l'arrivée d'Alain Monod au sampler en remplacement de César Pizzi. 91, après une tournée américaine et un passage par la grande scène du Reading Festival, The Young Gods publie un disque hommage au compositeur Kurt Weill. Oui, oui, tout à fait. 92, quatrième album, TV Sky, je l'ai écouté un peu. 95, Only Heaven, cinquième album, je l'ai écouté un peu. Enregistré à New York. Nombreuses tournées et fin 96, le batteur Hughes quitte le groupe, remplacé par Bernard Trontin. 97, le groupe de retour à Genève monte leur propre studio et sort un disque d'ambiante, Heaven Deconstruction, réalisé avec les pistes d'Only Heaven. Ah oui, oui, non, complètement. C'est cette même année que le groupe retourne à l'indépendant et que qu'il décide de marquer une diversification de ses projets, à savoir d'un côté le rock et de l'autre de la musique de relaxation, pour l'Office fédéral de la santé publique, ainsi qu'une conférence sonore Amazonia Ambient Project réalisée avec l'anthropologue Jérémy Narby. Jérémy, tout à fait. Donc les mecs, ils font... Là, on passe donc de 97 à 2005. Hein. Je sais pas s'ils font... Le groupe devient un quartet, parce que pour fêter ses 20 ans, un multi-instrumentiste tel que Vincent Aheny n'est pas de trop. D'un côté, un spectacle musical hommage à Woodstock, pourquoi pas. Une réinterprétation de son catalogue en version acoustique, pourquoi pas. Un sixième album studio, Super Ready, fragmenté, et même des collaborations avec Dalek, groupe de hip-hop présent à l'édition 2018 du Hellfest. Mais c'est pas un groupe dont on a déjà parlé il y a 5 minutes ? Si. Les Young Gods sont reconnus de toutes parts comme l'un des groupes de rock suisse les plus importants des 30 dernières années. En même temps, c'est tout petit la Suisse. Et dont l'approche musicale a été revendiquée par un vaste panel de musiciens. Par exemple, Trent Reznor, David Bowie, The Edge de U2, Tool, Napalm Death, Face No More, Sepultura, Noir Désir, Devin Townsend, Ministry, etc. etc. Sérieux etc. La vache. Pour résumer, The Young Gods, c'est 5 EP, 2 live, une compilation, 2 biographies, dont une de 800 pages et 12 albums. Des jeunes dieux plus si jeunes, un trio devenu quartet avec sampleur et un groupe que j'ai raté toute ma vie. Il est peut-être temps que je revoie mes sources, mais heureusement, j'ai l'occasion de refaire ma culture grâce à Road to Hellfest et c'est sous la vallée qu'il faudra être le dimanche dès 21h50. Merci Road to Hellfest. Alors, comment dire, comme j'ai dit en préambule, j'ai un problème avec ce groupe. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai essayé de l'écouter, j'ai rapidement arrêté. Je n'ai pas du tout, alors pas du tout réussi à rentrer dans le groupe. Je suis resté tout le temps. On ne te demandait pas de rentrer dans le groupe quand même. Hein. Alors, je n'ai pas du tout réussi à rentrer dans leur musique. Ah oui, d'accord. Déjà parce que ça chante en français. Effectivement, c'est du rock électronique, mais des fois, c'est tellement un peu planant que je savais pas trop ce que j'écoutais. Des fois, ça m'a fait penser, je sais pas si tu connais au chanteur belge Renaud, Arnaud. Ouais, ouais, je connais Arnaud. Ouais. Ça m'a fait penser à ça un peu. J'aime pas Arnaud déjà, mais c'est bon. Putain de putain, Arnaud, je crois qu'il avait fait. Ouais, ouais, mais tu vois, ça m'a fait penser à plein de trucs, et autant je suis obligé de me rendre compte qu'effectivement, c'est un groupe qui apparemment a été très important. Ouais. Mais ça, moi, ça me laisse. Enfin, en fait, soit j'ai pas été assez loin dans l'écoute, ce qui est possible, parce qu'il y a plein de fois où j'ai. À chaque fois, en fait, c'était pas le bon moment. Ça m'a vraiment fait cet effet-là, dire non, je peux pas écouter ça maintenant. Ça, c'était non. Tu sais, il y avait un truc, non, pas là. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à écouter, et quand j'écoutais, je disais. J'ai pas réussi du tout. Alors, peut-être qu'en live, sous la vallée, ça change quelque chose. Mais je suis vraiment resté à côté du groupe. J'ai vraiment vu le groupe qui déroulait son truc. Moi qui marchais à côté. Ah, mais je comprends pas. Tu sais, imagine une grande scène. Toi, la vallée, c'est une scène immense. Et tu marches à côté. À chaque fois que tu essayes de rentrer dans la salle, on te repousse derrière. Fait, oh, bon, bah, je vais essayer plus loin. Tu continues d'avancer. Tu sais, oh, t'arrives. Et au final, t'arrives jamais à rentrer sous ouais. cette tente. Et du coup, bah, malheureusement, j'ai pas pu du tout. Alors, je suis entièrement d'accord que reconnaître que c'est un groupe important, mais. Pas pour toi. Bah non, mais je peux pas. Toi, tu feras pas partie de ceux qui diront que c'est. Et non, mais parce qu'en plus, ils ont même sorti un album là cette année, et j'ai essayé d'écouter, et puis j'ai arrêté. J'ai dit, bah non, pas moi, quoi. Donc, les gars, c'est pas vous, hein. C'est moi. C'est moi. C'est moi le problème. Je vois bien que c'est moi. Et c'est comme dans une relation de couple. Mais c'est ouais. C'est pas ouais. toi le problème, c'est moi. Non, mais c'est ça, c'est vraiment. Là, moi, j'ai rien à vous reprocher, c'est juste moi qui... Voilà, j'y arrive pas. Et tu avais l'air de me dire que toi aussi, t'avais pas... J'ai essayé quand ils ont annoncé la... Ouais. Donc j'ai zappé un peu, tu sais, en me disant, ok, d'accord, ok. Et j'ai cherché, tu sais, vraiment le truc qui allait me dire, ah oui, d'accord, je comprends, mais en fait, j'ai pas trouvé. Parce que j'arrivais pas à rentrer dedans. Trop planant, ouais, je sais pas si c'est trop aérien, ouais. trop. Je sais pas. Il y a un mélange entre le chant, la voix et la musique. Ouais. Qui... Enfin... Bon, après, ils ont combien, tu dis 12 albums. 12 albums. Ouais. Bon, il y a peut-être moyen de trouver quelque chose. Ah non, mais mais en fait, je suis complètement prêt. En fait, je pense que juste, c'est pas pour moi, quoi. Ouais. Tu vois, ça fait moins une évidence que quand t'es sur un gros truc de black metal, tu dis, ah non, c'est pas pour moi, c'est juste là, j'ai frappé. J'ai entendu qu'il y avait du monde à l'intérieur. Ils sont jamais venus m'ouvrir la porte. J'ai pas osé vérifier s'ils étaient ouverts. C'est ça. J'ai fait demi-tour. Voilà. Donc, ouais. En fait, et le truc, c'est que j'ai pas... Et j'aurais pas forcément envie de faire l'effort d'aller plus loin, là, maintenant. Donc, allez savoir. Je pense que, donc, du coup, pour répondre à la question de mon premier groupe, j'irai plus voir Slash. Et en plus, j'ai forcément plus envie de voir Slash. Mais peut-être que si je passe devant à l'occasion et que je jetterai peut-être une oreille pour voir, mais... Je vois bien que c'est pas pour moi. Ouais. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que justement, en écoutant des fois, je me disais, tiens, ça me fait penser à une version française de tel truc. Tiens, ça me fait penser à une version française. Et du coup, ça sonnait comme, la manière dont je le disais, ça sonnait un peu plus négatif. Ah, tiens, ça fait un sous-machin. Alors que je suis maintenant d'accord pour dire que c'était peut-être eux qui étaient là avant. Et malheureusement, ouais. tu vois... Après, tu vois, si on voit les influences, si par exemple Traîtresse Nord, il dit « Ouais, j'ai été hyper influencé par ça. » J'extrapole peut-être ses propos, mais il a été influencé par ça. C'est vrai que s'il y avait un Traîtresse Nord à la française, ça marcherait peut-être pas non plus. Peut-être. Tu vois, c'est... Ouais. Voilà. En tout cas, je suis désolé. Je suis désolé parce que je vois que je passe à côté d'un truc. Mais je peux pas... Je veux pas envie de faire semblant de... Hey, oh, c'est un groupe référence, d'accord, je kiffe. J'y arrive pas. Et ça me rassure de voir que toi aussi. Tu vois, c'est... Ah oui, non, mais j'ai essayé. Mais... Donc voilà, c'était nos 8 derniers groupes. C'est la fin de cette saison 3, enfin avant le Fest. C'est fini. Je me rends compte qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait le Running Order comme on fait chaque année. Ouais. On n'a pas non plus dit les conseils à donner du jeudi soir. Donc je pense que en termes. Bah là, du coup, ça change un peu. C'est vrai. En tout cas, pour ceux qui participent pas au Knotfest, N'oubliez pas que le festival commence que le vendredi et que le jeudi soir, c'est très dangereux. D'accord ? On s'est tous fait avoir une fois. Ouais. On peut en parler, en témoigner. On a beau le savoir, non, faites gaffe. Moi, je me fais avoir à chaque fois. Faites gaffe. Bah, vu que t'es tombé avant moi l'année dernière, je me suis un peu arrêté, du coup. J'ai sombré. Je... Mais non, à chaque fois, c'était moi. Donc, voilà. Donc, bon, ce qu'on peut, je pense, on peut leur dire aux gens, c'est qu'on vous souhaite à tous un bon Hellfest. Voilà. Qu'on réitère l'appel qu'on a déjà fait dans les autres émissions, mais n'hésitez pas, si vous voulez parler avec nous, discuter, venir même répondre à des questions, pourquoi pas, sur le Hellfest. On n'a encore rien écrit, mais on va s'y mettre. Ah oui, bah oui, c'est prévu, de toute façon. C'est large, c'est dans une semaine. Donc n'hésitez pas, on reste ouvert à tout. Normalement, je dis bien normalement, je croise les doigts, je croise les jambes, je croise tout ce que je peux. On aura peut-être des vêtements marqués Road to Hellfest plus facilement pour nous retrouver. Comme on dit, floqués. Alors peut-être, je veux dire, la commande est passée, on attend de recevoir, peut-être qu'une fois qu'on aura reçu, on dira non, jamais. Ou alors, ouah putain. Voilà, donc on est dans un entre-deux pour l'instant. Mais on ne sait pas. Donc n'hésitez pas en tout cas, si vous voulez nous voir, contactez-nous par Facebook, si vous voulez qu'on échange, il n'y a aucun souci, on sera là-bas. Et puis voilà, si tu as quelque chose d'autre à ajouter, je t'en prie. Bah non, je crois que tu as tout dit. Bon fest à tous. Bon fest à tous. Comme d'habitude, bah on vous dit cette fois à la semaine prochaine. Voilà, mais en vrai. En vrai, cette fois. Hein, physiquement. Ouais. Et puis, bah, on tient à ajouter bah, qu'on vous aime. Et qu'on vous emmerde. À la semaine prochaine. Sabots de bois. Et serre en... je sais pas quoi, là. Sabots de bois de serre. Sabots de bois de serre, très bien. Seb. À ta tienne. Voilà. Allez, salut à tous. Bisous.